Fou de changement. C'est fou. 89.1. Le plat d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On cuisinera en compagnie de notre chef, qu'est-ce que c'est, de renommée locale, Master Steph, et on recevra des produits de renommée Focal. En 5 minutes, ça devrait répondre là. Assemblage Requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, ce mercredi 8 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Aujourd'hui, à l'émission, Steph, on a seulement ta chronique à toi qui est spéciale, vraiment comme chronique, mettons, normale. Qu'est-ce que tu... Master Steph, qui est comme pas une chronique poche que je fais d'habitude. Voyons donc, c'est quoi ce sous-estimation-là? Non, c'est pas on ça. On appelle un estimateur immédiatement pour faire une soumission. C'est comme confiseur, c'est un mot que je devrais savoir, mais que je sais pas, puis que je dis confectionneur, là, quelque chose. Non, on connaît le mot confiseur. Ouais. On sait juste pas que c'est la traduction de confectionner. Donc, Master Steph, on va faire ça à 9h, tu vas nous cuisiner quelque chose que tu trouves sur le net. Oui, je t'arrête de faire ça, là. Je brosse, là. Oui, ça a l'air vrai. On a aussi, comme autre chose spéciale, mais qui n'est pas une chronique, donc c'est des invités spéciaux, les gens du ROBSM vont être avec c'est nous. C'est quoi ça, le ROBSM? Aucune idée, on va leur demander. Ah, ce qu'on va faire tantôt. Ça va. On est là pour ça. On va parler de santé mentale avec eux, entre autres. Ah. Sinon, autour de ça, notre chronique maison, Sex Mess, ça devrait répondre là à 8h30. On va débuter avec un petit son foutu palmarès tantôt. Ça va être bien simple. On va parler du prince de Bel-Air, tu sais, Will Smith. Oh! Ça va être tantôt. Tu m'allumes. Mais avant ça, en musique, on débute avec une nouvelle entrée de Mordicus du côté francophone. Voici Miroir, Miroir. Miroir, miroir, montre-moi c'est comment, de l'autre côté, faut tout être inversé. Miroir, miroir, montre-moi c'est comment, de l'autre côté. Nouvelle entrée de Mordicus, Miroir, Miroir, à Assemblage Ricky. Yeah, ça. Yeah. Rock. Mais ça. Hey, j'aurais pu penser à laver mes notes pendant la chanson. Elle la boîte aujourd'hui, hein? Hey, hey hein? Moi, on m'en venait, là. Écoute, je veux dire. J'ai les pieds trempés en nage. Je pense que je vais tordre mes bas. J'avais le goût de pleurer. On n'est pas comme de la royauté, on n'est pas comme le prince de Bel-Air, hein, dont on parle dans son foutu palmarès. Son foutu palmarès où on liste une. Mais en fait, une liste. On liste une liste, hein? C'est ce qu'on fait. On liste une liste. Où on dresse une liste, où on l'undress des fois quand c'est approprié de la déshabiller. Une liste de choses sur un sujet bien précis. Et aujourd'hui, on parle du prince de Bel-Air. Vous savez, quand les émissions américaines sont vendues dans d'autres marchés où il y a d'autres langues parlées, mais souvent la chanson thème va rester la même. Ben oui. D'autres fois, pour des émissions pour enfants, entre autres des dessins animés, on a plein d'exemples qui me viennent absolument pas en tête, mais qui sont souvent traduits en français pour que les enfants puissent chanter dessus. T'sais. Passe-partout. Non, ça, c'est québécois. C'est... les Simpsons, peut-être? Non, il n'y avait pas de parole. Pas de parole, des dessins animés avec une chanson en français. Calinours. Calinours, oui. Calinours, c'est un bon exemple. J'avais pensé à genre Maya l'abeille, tout ça, mais je pense que c'était originellement français, non? Pas belge ou quelque chose genre. Je suis sûr. Bref, tu vois... Non, pas allemand. Peut-être. En tout cas, mais moi, j'ai vu la version d'Inspecteur Gadget en allemand. OK. Il y a une moustache. Ah. Ils ont même rushé une moustache. Ils ont... par-dessus. Wow. Je te jure, par-dessus la toune d'intro, ils ont mis une moustache. Ah, wow. OK. Là, tu me prends vraiment de court et je veux aller voir ça comme maintenant, mais il faut que je fasse une chronique. Puis là, des fois, par contre, la chanson thème a des informations très, très importantes et très pertinentes pour la compréhension de l'émission. Oui, t'sais? Ben oui. Et des fois, donc, il va falloir adapter les paroles pour le marché, parce que sinon les gens comprendront pas, mais pourquoi est-ce que le gars fait ça dans l'émission, t'sais? Tu te rappelles sûrement de l'émission des années 90, Fresh Prince of Bel-Air. Oh que oui! Ouais. J'ai les coffrets DVD. T'as les coffrets DVD? J'ai les coffrets DVD. Pas toutes, mais une bonne partie. OK, ben c'est super cool. Donc tu vas pouvoir chanter avec moi sur la chanson d'origine. On va l'écouter au complet, c'est la version longue qu'on entend pas tout le temps, disons rarement. Alors, on écoute Fresh Prince of Bel-Air, version complète. Des elle est bonne, ouais. Ouais, c'est vraiment... Oh mon Dieu, c'est clair, je me retape toutes les saisons. C'est sur Netflix aussi. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel-Air. C'est beau instrumental. Il y a un deuxième couplet là, jamais entendu à la télé. Never seen on TV. Well, the plane landed and when I came out, there was a dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, nah, forget it, yo, home's the Bel-Air. On sent un peu de remplissage dans les solos musicaux. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, "Yo, home, smell you later." Celle-là est dans l'intro. My kingdom, oui. I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. C'est une version de 3 minutes juste, donc c'est exactement la durée d'une chanson à la radio commerciale, si vous remarquez. Quel hasard! C'est donc la version complète de la chanson du Prince de Bel-Air, Fresh Prince of Bel-Air par Will Smith. C'est un chef d'œuvre, ça. Comment? C'est un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre, on va dire. Donc, ça nous amène à parler des versions étrangères de cette chanson thème du succès des années 90, Le Prince de Bel-Air. Évidemment, donc, étant donné que la chanson raconte toute l'histoire de l'arrivée du Prince de Bel-Air à Bel-Air, hein? Mais on les a traduits, par exemple, en Hongrie, où l'émission s'appelle California by Hotel. Je suis venu en Californie. Hein? Okay. Je suis venu. Donc, c'est l'histoire. C'est très littéral. La chanson originale, bon, donc, dit c'est l'histoire de comment ma vie a changé, viré à l'envers, viré sur le top, etc. Donc, la traduction de l'hongrois au français, c'est voici l'histoire qui parle de la journée où soudainement, rien autour de toi ne semble pareil. Hein? Donc, on va écouter la version hongroise. Toi, c'est une version comme Midi Cheap, hein? Ben oui, c'est ça. Et là, c'est la traduction du titre qui vient de dire la fin. Ce qui est le fun, c'est qu'ils prennent même pas le temps de refaire un nouveau logo. Ils font juste laisser le logo original et parler par-dessus le Prince de Bel-Air. Je suis avec les gars téléphoniques. C'est lourd, hein? Ça, c'est la voix de sa grand-mère, ouais. Ils sont pas souciés des lèvres du tout. Ils ont même pris le temps parce que, petite anecdote pour les gens qui connaissent pas trop, là, mais le premier épisode, et je pourrais pas vous dire s'il y en a eu d'autres après, mais le premier épisode avait une intro plus longue que les autres. Une version genre, je sais pas si c'était, mettons, 1 minute et demie au lieu de, tu sais, je sais pas, 40, mm-hmm. peu importe. Là, c'est une version comme un extended, mais pas aussi longue que la vraie version. Et ils ont pris le temps dans la version en Hongrie de doubler la version longue. Je sais pas si eux diffusent tout le temps la version longue, parce que des fois, quand ils font ça en France, entre autres, quand ils doublent une. Pas double, mais refont le logo et l'ouverture d'une émission en français, et que l'intro de la version originale change à chaque saison. Souvent, dans la version française, c'est la même intro parce qu'ils prennent pas le temps de refaire à chaque fois qu'ils refont l'intro. C'est ben moins de job. Ben moins de job et beaucoup moins intéressant à regarder, tu sais. C'est paresseux intellectuellement. Ouais, mais de toute façon, ça change les intros traduites. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand c'est, mettons, juste changer le nom des acteurs, parce qu'il faut qu'ils remettent une police, genre, générique pour pouvoir marquer le logo dans la même police, ouais. Donc ça, ils reprendront pas à chaque fois que les bouts où la personne regarde la caméra changent. Ils les changeront pas à chaque intro qui a changé dans la version originale. Bref, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Ensuite, on s'en va directement en Italie, où ça s'appelle Willy, le prince de Bel-Air. Willy. Il principe de Bel-Air, hein? Donc, évidemment, la chanson d'origine parle de deux gars qui n'étaient pas très, très gentils, qui ont commencé à créer des problèmes dans son quartier. Là. Make me trouble in my neighborhood. Hein? Donc, je me suis battu avec. Ma mère a eu peur. Il m'a dit, tu vas déménager avec ta tante et ton oncle, la Bel-Air. Bon, ça, c'est la version originale. La traduction. Ensuite, mon ballon lancé un petit peu plus haut est tombé sur la tête de ces Vikings. C'est la version italienne. Donc, le plus méchant m'a fait tourner dans les airs et ma maman, qui se souciait de moi, a dit, va-t'en à Bel-Air. Des Vikings, j'imagine que c'est des méchants en Italie. C'est bizarre, hein? Ensuite, on va en Espagne, le prince de Bel-Air, tout simplement. Ils sont pas cassés à la tête. Hein? Ahora escucha la historia de mi el príncipe de Bel-Air. Il dit le nom du titre par-dessus. Oh, je veux réentendre ça, moi, là. Attends un peu. Là. Il dit le nom de l'émission pendant que le gars chante. Il a pas pu faire un espace pour qu'il puisse le dire avant ou après. Ça, c'est en Espagne, ça. C'est en Espagne. Écoutez ça. Ahora escucha la historia de mi el príncipe de Bel-Air. Sérieux? Mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado. Il y avait un bout instrumental au début, c'est pas être ça. Le prince de Bel-Air. Tu mets ça là, puis il commence à chanter, non? El príncipe de Bel-Air. Mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Oh, Bel-Air. C'est tellement pas sur le rythme. C'est n'importe quoi les paroles. À l'ouest en Philadelphia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al basket. Apparemment, si on se rend jusqu'à la 40e seconde, ça commence à être vraiment. Ça commence à dérailler de la chanson originale. Fait qu'on va se rendre jusqu'à la fin, c'est sûr. Ah, ben oui, sûr, ben là, oui. Y mi madre me decía una y otra vez. Con tu tía y con tu tía irás a Beler. Llamé a un taxi cuando se acercó. Oh, le sifflement qui était pas dans la version originale, hein. Ben voyons donc. Rajouté par le fou. La clase de parientes que me espera en Beler con aire sonriente. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi. No sé si la chanson original. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba, el príncipe llegaba. ¡Ha! Là, le gars fait ça n'importe quoi. C'était plus sa chanson d'origine. Là. Freestyle, mais probablement qu'il y avait juste une shot pour l'enregistrer. Ça coûte cher, le tape. Improvise, improvise. Donc, la version originale disait « J'ai sifflé pour attraper un taxi. Quand il est arrivé près de moi, la plaque disait « Fresh » et il y avait des « D » accroché sur un miroir. C'est ça dans la version originale. Mm-hmm. Évidemment, en Espagne, la traduction est « J'ai appelé au taxi. Quand il est, quand il s'est approché, sa plaque d'immatriculation m'a fasciné. » Ah. Ah, fait que ça disait pas fresh dessus, hein, parce que l'émission s'appelle juste Le Prince de Bel Air en Espagne. Mmh. On reste en Espagne, mais on s'en va en Amérique et latine maintenant. C'est le prince du rap. The Prince of Rap. El Príncipe del Rap. Ok, parce que une version espagnole, c'était pas assez. Non, non, mais parce qu'il y a différentes sortes d'espagnol, puis c'est chacun leur propre marché, un peu comme le Québec et la France. Ouais, style, ouais. Donc, j'imagine qu'ils se battent un petit peu. Mais écoutez la version musicale El Chipo. El príncipe del rap en Bel Air. Y esta es la historia con la atención de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser protagonistas Will Smith. Ok, ils disent les noms des acteurs par-dessus la chanson. Sabery. L'utilité de ça est... Wesh. Quoi, l'utilité? Janet Hover. Oh mon Dieu. Alfonso Riviero. Nada de escuela instalado en la fiaca. De pronto los maleantes aún ignoro por qué. Buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo: te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air. Yo le dije: ben trop expressif. Oui, il est comme, on dirait qu'il a pris vraiment comme beaucoup de drogue, tu sais. Il est vraiment énervant. Y yo me dije: Willy, quelle resignation. ¡Qué clase! En copa de champaña me dieron mi jugo, qué terrible patraña. Siempre Tatiana M. Ali. Ali. Donc, quand il dit « Je suis arrivé chez moi à la maison vers les 7-8 heures et j'ai crié au chauffeur de taxi « Yo, Holmes, smell you later » à plus, version slang de « à plus ». En traduction de l'Amérique latine, il dit « Je suis finalement arrivé à ce manoir très élégant et j'ai dit au chauffeur de taxi « Mets un peu de déodorant désodorisant ». Parce que la version originale dit « Smell you later », donc « Je te ressentirai plus tard, je te sentirai plus tard ouais, ». Ouais. Qui est une expression, donc ils l'ont traduit en « Ça veut dire que c'est le gars pue ». Clairement, s'il dit que je vais te sentir plus tard, c'est qu'il pue. C'est très drôle. Hoy presentamos Alerta, el príncipe llegó. Clairement, je suis complètement bafoué par la traduction du générique d'ouverture. Pas sa chanson, mais les noms. On s'en va en Pologne maintenant, c'est Baher ze Bel Air. Donc, le gars charmant et cool de Bel Air. Pozwólcie, że coś wam opowiem o sobie, o tym, jak moje życie stanęło na głowie. Okay, Beler, odcinek 102. L'émission s'appelle Baher ze Bel Air, mais comment se fait que le nom de l'émission, quand il dit, c'est... Pozwólcie, że coś wam opowiem o sobie, o tym, jak moje życie stanęło na głowie. Baher Bel Air, odcinek 102. C'est pas un peu long. Il devait dire d'autres choses avant. Sûrement, genre. Roli głównej Will Smith. Ah, lui aussi dit les noms déjà. Pozostałych rolach. Philadelphie, pierwsze stawiałem kroki, głównie asfaltowych boisk poznając uroki. Est-ce qu'il est en train de juste parler par-dessus les paroles qu'il y avait en anglais? On dirait qu'il explique. Oui. C'est fort. Mais voyons donc. Aïe, aïe. Luz totalny, co dzień studiowałem. Puis chante pas, là. Do kosza wrzucałem z paroma kumplami. Je jouais au basketball lorsque des méchants sont arrivés, m'ont fait tourner, puis ils m'ont créé des problèmes. Ma mère m'a dit, va-t'en à Bel Air. Chacun son budget. Vraiment, c'est... Wow! Choć sprzed potopu chyba pochodziła bryka, rzekłem do Bel Air. Tant qu'à ça, mets des sous-titres. Oui. Tu pourrais profiter de la chanson. Tant qu'à ça. Donc, dans l'original, on dit j'ai regardé mon royaume, j'étais enfin arrivé pour m'asseoir sur mon trône, j'étais le prince de Bel Air. On connaît ça, c'est les paroles. Traduction de la version polonaise. Voici mon royaume, c'est ici que je vivrai, ici je régnerai en tant que prince de Bel Air. Tu vois que ça, c'est une belle parole. C'est quand même plus proche. Là. Mais dit par un gars qui a l'air de s'en sacrer complètement. Gdy pod wieczór do celu dotarłem jak zając, pomyślałem z ulgą z taksy wysiadając. Oto me królestwo, oto dokąd dążę. Peut-être qu'il chante qu'on s'en rend pas compte, c'est à cause de la langue. Ici, je régnerai, je serai la prince de Bel-Air. OK, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'était notre petite liste complètement insolite, anodine, du prince de Bel-Air. Ça m'a fait vraiment triper un petit peu trop, ça, je trouve. Est-ce que c'était traduit en français? La chanson thème, je ne crois pas, non. Et l'émission, est-ce qu'elle est passée en français? L'émission en tant que telle, oui, ça jouait, je me rappelle, je la regardais, c'était la fin de semaine dans le temps. On va écouter le jour d'examen, un épisode de la saison 2. Ça toute la matinée, c'est vraiment très irritant. Ah. Irritant, vient du latin irritare. Ça c'est Carlton. Carlton. Ça va Carlton, ça suffit. William, non, Carlton. Ce matin, je crois que c'est une bonne préparation. Préparer, vient du latin préparare, savoir être prêt. Carlton. Tu la fermes. Tu la fermes vient du monsieur qui te sert de père. Eh, OK, c'était moyen. Hein? Alors, on va aller voir juste le générique, juste pour le fun en français, voir s'ils disent quelque chose, genre le titre. Parce que je pense qu'en France, on est capable de faire un nouveau logo. Je pense. Ben non, The Fresh Prince of Bel-Air. À moins que ce soit la version DVD rippée, puis que c'est souvent quand les logos changent sur le DVD, ils changent pas. Ouais, peut-être. Ils changent juste l'audio. Non, starring Will Smith. Non, c'est. Je trouve ça désagréable de les voir en français parce que Oncle Phil ouais. n'a pas cette voix. Je veux dire, il y a une belle voix grave, ouais. sombre. Exact. Hey Steph, encore mieux dans mes recherches très très exhaustives en direct pendant que tu parles puis que j'ai écouté ta phrase mais comme juste par le coin de l'oreille. J'ai trouvé la version française avec le logo en rose dessiné par-dessus. Ooh. Donc ça va commencer pareil. Et ici on arrête et le logo, c'est une bulle dessinée clairement dans Paint. Okay. Un genre de nuage dessiné vraiment à la va-vite rose par-dessus le logo original. Et on a écrit « Le prince de Bel-Air » en vert avec un dégradé du vert foncé au vert pâle. Tout ce qu'il y a de plus enfantin, on dirait vraiment. Parce que ça jouait sur une chaîne pour enfants, cette émission-là. Donc, clairement, c'est le look qu'on a choisi. Bon. Je me demande si le starring... Ah, ils ont tout fait ça. Sur tous les noms, c'est un nuage rose par-dessus. Allez voir ça. Cherchez le prince de Bel-Air générique. Vous allez voir la petite bulle rose directement sur l'image. Voilà, Steph. Hey, wow! Fantastique! Malade, hein? Ouais, j'ai appris. Très bien, j'ai vraiment le goût de réécouter. Oui, ben pour vrai. L'émission, ouais. Et comme j'ai dit tantôt, c'est sur Netflix, en anglais, évidemment. Ben, moi, j'allais en DVD avec des sous-titres en français. Cool. Voilà. Tout le monde de quoi regarder, quelque chose à regarder, en fait, semaine prochaine. Ah, c'est tout pour notre chronique sur Foutu Palmarès. Rien de plus à dire. Rien d'autre. On fera une autre chronique éventuellement. Il y a plein de sujets qui sont en préparation. Par exemple, le top des produits des restaurants de fast-food qu'on ne peut pas se trouver au Québec. Genre, on a ça dans une prochaine chronique sur Foutu Palmarès. Cool. Mais pour l'instant, ça va être le moment de prendre une pause. Et au retour, on parle avec les gens du ROBSM de santé mentale. Restez là. Dans deux minutes. De découverte. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh, oh, oh, oh. Alors, on continue notre gros plaisir matinal jusqu'à 9h30. Là, il est quoi, 7h58? Environ. Quand même assez tôt. Sachez que c'est boiteux, pluvieux et maussade dehors. Restez donc chez vous. C'est ça. Mais si vous pouvez, en tout cas. On va écouter une pièce anglophone, une nouvelle entrée, en fait, du palmarès anglophone. C'est la formation Tops. Voici Way to be Loved. Ça, c'est bon. C'est toi qui l'as choisi? Ah, je sais pas. Hein? Tellement de goût.

c'était Les Passagers. Et la pièce Acheter ta peau en 18e place francophone. Vous êtes à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis et Mathieu. Oh, Sam, je vais pas laisser dire mon nom. Je suis pas fin. Ouais, t'aimes ça dire ton nom. Quand je le dis, t'es comme oh! On dirait que t'aimes ça. Fait que là, tellement. Tu dis ton nom, là, t'es comme oh! Tu me connais, Steph, tu me connais. Pas pour arrêter notre plaisir, on va le continuer le plaisir, c'est qu'on a un sujet un petit peu plus sérieux à aborder, parce qu'on est présentement, Steph, je sais pas si vous savez, dans la semaine de la sensibilisation aux maladies mentales, ça va être ça. Non, je savais pas ça. Je te l'apprends, et je t'apprends aussi, parce qu'on les a pas encore entendu parler, donc il va arriver par surprise, magie, Pierre-Paul Aveline, agent stagiaire en communication sociale, et Normand Séguin, ancien professeur à UQTR et président du Centre de prévention suicide Les Deux-Rives. Bonjour à vous deux. Ça va bien? Très bien, très bien. Très heureux de vous avoir en studio avec nous. On a plein de questions à se poser par rapport à cette semaine-là de la sensibilisation aux maladies mentales. Pour commencer, vous êtes tous les deux avec le ROBSM. Qu'est-ce que c'est le ROBSM 0417? C'est spécifique à la région, j'imagine. En fait, oui. Et ça, on va parler des régions administratives. C'est bien évident. C'est pas des régions socio-sanitaires. Mm-hmm. C'est le regroupement des organismes de base en santé mentale. Région 417, donc Centre du Québec et Mauricie, Mauricie et Centre du Québec. Oui, le 04, c'est la Mauricie, le 17, le Centre du Québec. Et c'est important vraiment, ce n'est pas des régions sociosanitaires parce que dans le dernier mammouth que M. Le ministre Gaétan Parrette a fait, la région Centre du Québec ne dit pas. Ah. Donc, elle a été intégrée à la Mauricie, elle l'était déjà, je crois. Elle a été intégrée à la Mauricie. Oui, c'est le. On a maintenu les structures, si vous voulez. Okay. C'est l'agence, en fait, qui disparaît, semble-t-il, mais tout est regroupé à l'échelle de centre du Québec et Mauricie, comme c'était avant. OK. Et c'est ça aussi la définition d'une région socio-sanitaire. Mm-hmm. Est-ce que ça affecte les budgets? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut soucier de ça? On parle pas de ça, mais j'imagine... N'en parlons pas. Ce qui est important, c'est de savoir que ça existe, le regroupement des organismes de base en santé mentale, région 047. Est-ce que vous pouvez me nommer un peu quelques organismes qui sont membres de ce regroupement communautaire-là? Bien... Oui, en effet, je vais vous dire... La prévention suicide regroupe 7 organismes. Il y a 5 centres de prévention. Il y a Accalmie, qui est un centre d'hébergement pour accompagnement des personnes en crise suicidaire. Mm-hmm. Et puis, il y a l'Association des endeuillés par suicide, dont je suis membre. Alors, 7 organismes réunis dans une table, et puis il y a plusieurs tables comme ça. Il y en a 6 exactement. Il y a 6 tables sectorielles qui aident beaucoup les organismes à se réunir. Donc, il y a beaucoup d'interactions entre les organismes. Okay. Si je peux nommer d'autres types d'organismes qu'il y a ici dans la région, on a évidemment le Traversier. Et là, je m'excuse pour les organismes que je ne vais pas nommer. C'est peut-être ceux que je connais le plus. Il y en a 32 à peu près. Oui, oui, ça, on ne se trompe pas. Là. Et il y a des fusions des fonds des organismes. Ouais. Le nom change. Et le nom des organismes peut changer aussi. Okay. C'est, par exemple, je peux nommer Autopsie. L'Autopsie à Shawinigan vient de changer pour le Phoenix. C'est un petit peu moins, on dirait, menaçant. Oui. Violent. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Lorraine Lemay, que je connais très bien, que j'ai rencontré hier, de l'organisme. Mais aussi, il y aurait le Traversier, je l'ai nommé. Il y a la Lanterne qui est pour les gens. Et ça, ici, c'est important. Là, c'est vraiment pour les proches. On parle bien des proches. La famille immédiate, là. Si on veut, peut-être copain, copine, femme, mari, mais quand même famille rapprochée. De près de chez nous, Accord Mauricie aussi, pour les hommes qui ont un problème de violence familiale. Okay. Et puis, il y en aurait une longue nomenclature. Mais ils font partie de ce regroupement-là et on peut vous contacter pour les contacter. Oui, tout à fait. Et il faut dire que ce sont tous des organismes communautaires. Oui, donc sans but lucratif. Sans but lucratif et qui sont en complémentarité des grands services publics. Comme les CSSS et CSSS. Oui, c'est ça. Parfait. Les mammouths, là. C'est les mammouths, c'est ceux-là que tu appelles les mammouths. Okay. Oh, oui. Bon. Question encore super sérieuse sur la santé mentale, mais c'est quoi avoir une bonne santé mentale? Qu'est-ce que les... C'est quoi, une bonne santé mentale? Mais avoir une bonne santé mentale, à mon avis, c'est... être performant, malgré que... Là, je parle de l'université. Là, okay? Oui, dans un contexte universitaire. Tu sais, avoir un bon rire, avoir une bonne vie. Mm-hmm. On peut avoir une excellente santé mentale, bien dormir, ne pas avoir de problème, on n'est pas isolé, on est ici, on côtoie du monde. C'est, ça avoir une vie... Je veux pas dire normal parce que la normalité... C'est ça, parce que ça veut dire que les autres seraient anormaux, c'est ça? C'est ça, c'est être bien dans sa peau. Être bien dans sa peau. Moi, je dirais... la question de la santé mentale est toujours un problème majeur pour une institution comme l'université, parce que c'est, on se le cache pas, un lieu de forte concurrence, mm-hmm. de forte espérance aussi, et souvent d'écueil. Et l'étudiant se retrouve souvent coincé par ses propres désirs ou ses propres échecs. Hein. Moi qui ai enseigné longtemps, j'étais confronté à ça. Dans le cheminement dans une thèse, c'est difficile. Et donc, pour l'étudiant, la santé mentale, ça doit être une préoccupation de tous les jours, mais pas pour se rendre malade, mais à titre... On doit être, avoir dans une approche de prévention pour soi-même. C'est ça, la santé mentale. Mm-hmm. Être en équilibre. Tout à fait. Est-ce que je me trompe en disant que ça peut ne pas prendre grand-chose des fois pour faire... Tu sais, des fois, on va dire péter une coche, tu sais, mettons, mais juste, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose, un déclic qui se fait chez quelqu'un qui serait déjà quelque chose qui serait prédisposé, voilà, à avoir peut-être un problème, puis peut-être que l'université pourrait être la raison derrière... Je pense que... On parle du milieu universitaire, mais il ne faudrait pas le fixer en lui-même. Là. Oui. Lorsqu'on va travailler, on est soumis à la discipline imposée, à des codes, à des adaptations. On va même subir des évaluations directes. Alors, partout dans notre vie, on est susceptible d'être confronté aux désirs des autres, puis à nos capacités. Hein. Alors, maintenir... une bonne attitude qui donne l'impression en dedans d'être à l'aise avec soi-même. Mmh. C'est ça qui est la réalité. Mmh. Si vous avez des moyens réduits et que vous faites un travail qui est apprécié, vous allez être heureux. Ouais. Mais si, pour une raison ou pour une autre, on vous demande de faire ce que vous n'arrivez pas à faire spontanément ou facilement, c'est difficile. Je pense que la détresse au travail, ressemble aussi à la détresse de l'étudiant. Là. Hein? Ouais. On généralisera pas, mais on... C'est ça, c'est l'erreur qu'on fait facilement de généraliser. Mais il faut se rappeler quand même juste de consulter s'il y a un problème. Ça, toujours, c'est sûr, toujours. C'est sûr. Et ça, là, Mathieu et... Stéphanie. Je m'excuse, Stéphanie. Pas de problème. Moi, là, ça, pour moi, c'est le plus important. Oui. OK. S'il y a une problématique, ici, on a le service aux étudiants. Oui. On a la chance de l'avoir. On a la chance d'avoir... pour les étudiants, d'avoir d'excellentes assurances, d'avoir un très bon suivi. On a d'excellents psychologues. S'il se passe quoi que ce soit, qu'ils ne gênent jamais à les consulter parce que, et j'en suis le premier à en vivre, je suis sûr que ta question s'en élève à ça. Ouais. S'il y a une problématique de santé, excusez-moi, s'il y a une maladie mentale, tu peux avoir une bonne santé mentale, excellente. Tout en ayant... Je suis le meilleur exemple là-dessus. OK. Parce que... Raconte-nous. OK. Oui, oui. Si tu veux bien. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. C'est la raison pourquoi que je suis au recrutement aussi, un peu d'ailleurs. Ouais. Pour partager ce côté-là. Ouais. Et aussi parce que j'intègre très bien la stigmatisation qu'on va arriver plus tard. Oui. Mais moi, je souffre de troubles d'anxiété généralisée avec un petit problème de déficit de l'attention. OK. Donc, quand je suis arrivé à l'université, moi, je venais de sortir d'une période d'isolement. Pas isolement, là, coiffré dans des murs. Là. Mm. Je veux dire, moi-même, je m'étais isolé pendant presque 2 à 3 ans dans le sol de chez mes parents. OK. Alors, quand je suis arrivé à l'université, c'est évident que j'avais besoin d'aide. Mm. L'aide, j'avais déjà fait les premiers pas et ces choses-là. Et l'université est presque revenue courir après moi pour me dire « On est prêt à t'aider. » Maintenant, j'ai une excellente santé mentale. Je dors très bien. Oui, je suis médicamenté. Ça, jamais je vais mentir là-dessus. Et moi, je suis très loin de dire « On est obligé d'être médicamenté quand on a une maladie mentale. Okay. » C'est pas ça, je veux pas embarquer là-dedans. Parce mais que, toi, ça t'aide. Donc, si ça peut t'aider, ça tu peux le faire, t'as le droit. C'est quand on dit à quelqu'un la meilleure manière de s'en sortir, de pouvoir revenir sur le bon chemin, ça va toujours, tout le monde va toujours nous dire « Consulte et prends les médicaments. Ouais. » C'est la meilleure combinaison qui est connue. Moi, je dirais, on rajoute de l'activité physique. OK, oui, oui. OK. Je dirais, vous êtes chanceux à la radio ici d'avoir un témoignage comme ça. Hein. Parmi vos amis qui sont à l'université, vos collègues, derrière un sourire, on n'arrive pas toujours à voir si ça va bien. Et on joue un rôle, on met un masque. On met un masque. Ouais. Et ce témoignage livré spontanément est tellement important. Il montre qu'on peut avoir des caractéristiques qu'on appelle maladie mentale. Ouais. Qui sont hors de notre contrôle. Mais une maladie ne veut pas dire une catastrophe totale. Quand quelqu'un arrive à trouver un bon équilibre et qui a la chance d'avoir autour de lui des gens qui le soutiennent bien ou une université qui l'accueille bien, c'est formidable, c'est ce qu'il vient de dire. Moi, j'en ai eu des étudiants schizophrènes dans les cours et ils se mettaient à fonctionner lorsqu'on était capable de respecter leur rythme. Ceux que j'ai connus me disaient « il ne faut pas qu'on me mette dans une compresse trop forte ». Alors, donc, si le professeur est capable, pas de baisser les normes, mais de s'adapter à la personne, bien, il rend possible un cheminement. Et c'est cette mentalité qu'il faut acquérir avec l'ensemble de la population. Parce qu'un problème de santé mentale, quand ça met quelqu'un dans une détresse, ça peut aller loin. Hein? On peut parler jusqu'à mort sociale. Oui. Et ultimement... Et même des tentatives de suicide. Hein? Je pense qu'on reconnaît cette réalité. Une détresse au travail, une détresse en situation familiale, une détresse dans l'expérience de la scolarisation, surtout dans les hauts niveaux. Ça vient tester toutes les résistances de la personne. Hein. Mm-hmm. Puis, c'est ça. On a besoin d'un bon entourage, puis il faut s'exprimer. Et ce qu'il disait, consulter, ça c'est... Faut pas attendre que la boule devienne trop grosse. Enfin, je veux m'arrêter là, mais... je trouve magnifique que votre radio permette d'entendre des témoignages comme ça qui viennent du milieu social qu'est l'université. Oui. Ben, c'est notre mission aussi. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci. Donc, ça fait plaisir. Donc, continuons un petit peu avec des questions par rapport à la santé mentale et aux maladies mentales. C'est le sujet du jour avec toujours Pierre-Paul Aveline et Normand Séguin. La trisomie 21, un autre problème de déficience intellectuelle. T'sais, je connais une personne qui a une trisomie 21, mais est-ce qu'avoir une maladie mentale et avoir une trisomie 21, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est apparenté? Est-ce que l'un est une sous-catégorie de l'autre? Comment ça fonctionne? Sans jamais vouloir départager quelqu'un d'autre, okay? Sans jamais vouloir les exclure. Pour nous, ça, c'est important. Mm-hmm. Okay? Oui, on run en santé mentale, comme on dit. Et, excusez-moi l'anglicisme, hein? On parcourt la santé mentale, on travaille là-dedans. C'est ça, c'est le ROBSM, Paul Robson. Oui, c'est ça. C'est le campus valencien en moi qui parle, désolé. Moi, j'aime ça, je te comprends là-dedans. OK. Alors, je reviens au propos. C'est quelqu'un qui va souffrir de trisomie 21. Mm-hmm. Il va souffrir de trisomie 21, ça va être une déficience intellectuelle. OK. Et dans tout le respect que j'ai pour eux. Mm-hmm. OK. Mais quelqu'un qui va souffrir, par exemple, de schizophrénie, troubles de bipolarité, troubles de personnalité limite, ça va être vraiment de la maladie mentale. Oui. C'est deux mondes. C'est traité pas pareil. Mm. Pas du tout. Okay. Même d'ailleurs. Sans vouloir me tromper, normalement, je me trompe pas, un est né avec, mais l'autre... L'autre va acquérir ça avec... C'est une prédisposition. Prédisposition, c'est ça. Je pense qu'on peut laisser aux spécialistes de la question. Nous, ce qu'on fait, c'est intervenir en relation d'aide à un certain niveau. Hein. C'est plus par souci de prévention, que ce soit pour la prévention suicide ou pour aider des personnes... à surmonter des pratiques sociales qui sont très dures, comme la stigmatisation, l'isolement. Et justement, c'est un peu pour ça qu'on est toutefois venu vous voir, aujourd'hui. C'est pour parler de stigmatisation. C'est la raison de votre présence. C'est la raison. Ici. Parce que moi, spécifiquement, je suis actuellement au stage. Je viens de finir mon baccalauréat en communication sociale. Et j'ai été affecté, une de mes multiples tâches, c'est être affecté au projet contrer la stigmatisation. Parce que dans le regroupement, il y a plusieurs projets qui existent. Okay. Il y a Faire la différence, il y a le COSME, qui est un autre organisme, un autre projet, et il y a Contre la stigmatisation. on a de la chance ici à Trois-Rivières d'être dans le berceau de tout ça. Ça a parti un tout petit peu d'ici. On a un excellent directeur, qu'on peut dire, qui s'appelle Yves Blanchette. Un monsieur qui a de la pensée énorme, qui a le cœur sur la main et qui veut, veut améliorer son monde, et ça paraît énormément. Alors, quand je parle de contrer la stigmatisation, là, moi, j'en ai déjà vécu de la stigmatisation. Ça l'a apporté à de l'isolement plus tard. Ouais. Par exemple, j'habitais à Ottawa, je cherchais un emploi et à un certain moment donné, ça c'est pas juste dans le milieu anglophone, mais dans le milieu francophone, on va l'entendre ici, ton CV, il est sur le dessus, puis on te passe en entrevue. Et évidemment, des fois, en question d'entrevue, ils vont arriver, ils vont dire « Souffres-tu d'une maladie mentale ou d'une problématique? » Ben, moi, je suis pas un menteur. Je veux dire, je quelqu'un intègre, fait que je vais le dire, oui. Parce que moi, mon but, c'est d'intégrer ça dans la société. Puis j'ai toujours été comme ça. Alors, vous me prenez comme que je suis. Et je vous promets le meilleur. Mais est-ce que tu crois que c'est, mettons, question d'opinion, est-ce que tu penses que c'est quelque chose, une question qui devrait être demandée, est-ce qu'il devrait avoir le droit de le demander, un peu comme des fois on peut dire que, bon, il n'y aurait pas le droit de demander ta date de naissance, ou tu sais, d'autres informations qui vont dire que tu as tel âge, que tu as tel fonction, tu sais, est-ce qu'ils peuvent te demander, est-ce que tu trouves qu'ils devraient te demander, si tu as une santé mentale, est-ce que c'est une bonne chose à dire pour contrer, pour sensibiliser, ou est-ce que ça vient te nuire, t'sais? Malheureusement, actuellement, ce qui arrive, puis ça, c'est ce que j'ai remarqué sur le plan personnel. Okay. Peut-être que je vais moins embarquer le recoupement là-dedans. C'est ça. C'est l'opinion personnelle. C'est une opinion personnelle. Okay. Ce que moi, j'ai dû faire pour être capable d'avoir un emploi, et je veux dire, mon emploi m'adore, là. J'ai dû taire pour le moment à l'embauche que j'avais un trouble d'anxiété généralisé. Et après coup, après l'embauche, après 3 mois, je l'ai avoué. Et là, comme ça n'a pas du tout affecté ton travail, ils ont dit c'est parfait, c'est même correct. Ils m'ont intégré très bien, mieux que d'habitude. C'est pas de mentir, c'est juste qu'ils te, si te le demandent pas. Mais en même temps, c'est si tu te le demandes, c'est là que tu veux, toi, dire la vérité en tant que... C'est exactement. Ça. Okay. Ouais, on peut peut-être revenir à la notion de la stigmatisation. C'est un vieux mot, on pense au stigmate de Jésus. Oui. Bon, stigmatiser, c'était anciennement des marques qu'on mettait sur le corps, par exemple, de criminels, pour qu'ils soient repérés. Aujourd'hui, on vit dans une société où la police existe, où les bons mœurs habituellement triomphent pour limiter les pires dégâts. Il y a toutes sortes de niveaux de stigmatisation. C'est toujours à la racine ce que les autres pensent de nous et l'image qui nous accole négativement. C'est un processus négatif. C'est un processus qui mène au retrait, à l'isolement, et au triage social. Lorsqu'on dit, ah, lui, t'as remarqué, il y a telle caractéristique, on va le recevoir en entrevue, on ne lui dira pas, mais tu sais, ces gens-là... ce processus-là, il est gênant, parce qu'il donne à celui qui a, mettons, un problème X ou un problème Y, seul devant le regard des autres. Et si on ne fait pas attention, cette pression-là va déranger son esprit, nuire à sa santé mentale. Oui, c'est très lourd. Et quand on regarde dans les conséquences les plus graves, la stigmatisation, là on parle de quelque chose de très visé, qui dure longtemps, c'est perçu, c'est même reconnu, je devrais dire, par l'Organisation mondiale de la santé comme un facteur de risque élevé pour le suicide. On doit se rendre compte que nos mécanismes, même les plus... qui ont l'air les plus doux. Alors, tu vois, il y a des gens de telle couleur, on n'ira pas s'asseoir avec exactement. Eux autres. Ben non, ils s'asseoiront ensemble, eux autres. Tu as vu, il gesticule un peu avec son bras. Là, bon, on va avoir la paix. Ça a l'air de rien... C'est parfois même accepté de bonne loi. On va dire, on comprend, on est toujours bien pas quand même pour avoir lui dans notre partie. Et ça, là, ça se pose à l'école, ça se pose à l'université, ça se pose au travail, ça se pose partout. Et l'envers de ça, c'est la main tendue. Hein? C'est pas l'angélisme, c'est la main tendue. Oui. Et puis, un minimum d'ouverture pour que Dans notre société, si quelqu'un veut faire quelque chose, on doit d'abord l'aider à ce qu'il puisse la faire le mieux possible, puis l'aider à trouver un endroit où il va être heureux. Malheureusement, notre société de compétition est moins organisée comme ça. Une société de coureurs, comme on dit. C'est ça. Tout l'effort qu'on met pour performer nous renvoie à l'autre côté de la société, qui est celui qu'on laisse souvent de côté à tort, parce qu'on ne sait pas exploiter ses qualités. Ils ont quelque chose à apporter quand même. Je suis assez vieux pour avoir connu le temps où, dans un village, celui qui n'était pas très doué était accepté. Il passait d'une ferme à l'autre, et puis tout le monde l'avait un petit peu à l'œil. Et puis, s'il n'y avait pas d'accès de violence, je ne dis pas qu'il faut réinventer un monde comme ça. Il n'y a pas de monde idéal, mais on est au cœur d'un véritable problème social. C'est clair, c'est clair. Donc, quelle forme... attends, juste un petit peu, je pense que je suis perdu dans mes questions. Là. Oui. Donc, si on veut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine qu'on peut faire des dons, on va pouvoir s'impliquer pour lutter contre la stigmatisation. Il y en a un, moi, je dirais au niveau personnel, c'est sûr que s'informer sur les maladies mentales, puis je ne pèse jamais assez le mot maladie mentale, il ne faut pas en avoir peur de non, le dire. Non, c'est ça. OK. S'informer, c'est une des meilleures pratiques qu'on peut faire. Quand on reconnaît quelqu'un, peut-être qu'il y a une maladie mentale, pas l'isoler, éviter l'isolement. Je ne peux pas dire que j'ai vécu ça ici, loin de là, mais dans d'autres secteurs, je l'ai vécu. Donc, éviter d'isoler. Ce qu'on peut faire au niveau communautaire, il n'y a jamais assez de bénévoles. OK? Il n'y a jamais assez de supporters de nos organismes. Allez voir s'ils ont besoin d'aide. Si je peux vous dire comment on peut aider le ROBS, mais je vais vous... Évidemment, je vais dire, écoutez, on n'a jamais assez de bénévoles, premièrement. On peut peut-être dire pour chacun d'entre nous, se demander à quel moment, dans notre regard, il passe quelque chose de négatif. On ne peut pas être ami de tout le monde, mais on ne peut pas les juger avant de les avoir connus. Ouais. C'est ça, là. Arrêter les idées préconçues, les préjugés, les... Voilà, exactement. Voilà. C'est très bien dit. Fait que, évidemment, je dirais toujours, si vous voulez faire un don, d'aller directement sur le site du regroupement des organismes de base en santé mentale, robsm.org. Vous allez voir un petit onglet, faire un don. Et vous pouvez faire un don à partir de Canada Don. Et le don va directement là, au ROBS. Dans nos projets, dans le contrat de la stigmatisation, on a maintenant une vidéo YouTube qui s'appelle « Laissons tomber nos préjugés » qu'on a fait. Hier, j'ai eu le bonheur d'aller voir nos vues. Là, j'étais un peu fort là-dessus. Ça a monté pas mal. Ça a monté pas mal. Cool. On est très, très, très content de ça. C'est, Mathieu, je peux te permettre, hier, on a fait au Cégep une bibliothèque vivante. Donc, j'avais 6 personnes qu'on appelle des livres qui souffrent chacun soit d'un problème de santé mentale ou ayant des proches vivants avec un problème de santé mentale. On a eu une participation totalement exceptionnelle. Donc, les gens, on voit une sensibilisation qui s'en vient. Au niveau des jeunes, ça, c'est super. On adore ça, vraiment. On a encore du travail à faire. On va toujours en avoir, Mathieu, et du travail à faire. Pauvre toi, je suis désolé. Les préjugés envers Stéphanie. Oui, là, je ne sais pas. Il va toujours y avoir du travail à faire. C'est ça. On ne travaille jamais assez en santé mentale. Mais c'est pas parce que le problème ne se réglera pas à 100% qu'il ne faut pas essayer au moins d'avancer un petit peu la cause. C'est exactement ça. Sinon, on va juste rien. Et travailler à ce qu'il ne se renouvelle pas. Oui, c'est ça, de ne pas reculer la cause non plus. Donc, on vous remercie tous les deux. C'est Pierre-Paul Aveline, agent stagiaire en communication sociale, et Normand Séguin, ancien professeur à l'UQTR et président du Centre de prévention suicide Les Deux Rives. Merci à vous deux. Oui, merci. Merci beaucoup, là. Et à une prochaine fois, peut-être. On espère fortement. Ben oui. De toujours assemblage requis. Au retour de la pause, on s'achète des choses complètement inutiles. Ça me met de bonne humeur. Ça prend ça ce matin. Hein? C'est ça que ça devrait pas. Ah, la pluie, la boîte, je te dirais. Il mouille de la boîte. Il pleut de la boîte. Nouveau film de Disney, je pense, l'année prochaine. À dans deux instants. Diversité. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. De retour à notre partie de plaisir qu'est l'assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. On va avoir du fun dans la prochaine demi-heure. On va s'acheter des gogos sur Internet dans 6 mais ça devrait répondre là. On a aussi Master Steph. Oui! Une chronique d'Internet faite par notre chef culinaire de renommée locale, comme je disais en intro. T'en fais un mois local. À date, mais faut bien que tu commences en bas de l'échelle. Voyons donc. T'iras pas droit au sommet. Master Steph, là. J'ai jamais été en bas de l'échelle. T'es pas Apprentice Steph, genre? Comment? Apprenti Steph, genre. Ah, Steph. Moi, je suis drôlement dit. Je suis déjà une Jedi. mais avant de continuer avec Ça existe, allons-y avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Panama Wedding. Et je l'ai dédié à la journée d'aujourd'hui. Clairement, feels like summer. C'est vraiment approprié aujourd'hui. On a l'impression d'être l'été. Non, c'est pas une rediffusion que vous écoutez en ce moment. On sait que c'est boiteux. Des fois, c'est confus. C'est une rediffusion. C'est du live. On sait pas. My heart is beating loud. C'était une nouvelle pièce de Panama Wedding, Feels Like Summer, sur leur album Parallel Play à Assemblage Requis. Maintenant, achetons des choses dans Sexy, ça devrait répondre là. Yeah, notre chronique qu'on aime donc. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles trouvés sur Internet. On a beaucoup à s'acheter aujourd'hui. On va devoir libérer un peu de cash flow money sur le payroll. Ça sera pas facile. Non. Commençons avec... enfin, commençons par attendre quelques secondes avant de commencer, ça. T'sais? OK. C'est ça, si le temps me le permet. Donc, commençons avec des écouteurs. Tu sais, on dirait, des fois, on dirait de Beats by Dr. Dre. Là, ce serait Beats by Dr. Mario, presque. Oh. Parce que c'est des écouteurs en forme de manette de Super Nintendo. Ah. C'est super, ben, en super forme bon. De son rond. En fait, ça serait le bout des pitons. Ben, tu sais, dans une manette de Super Nintendo, les côtés ont une forme de rond de gravé dans la manette. Oui, mais c'est parce que ça pourrait être la manette au complet qui fait l'écouteur, okay, alors que c'est juste un des côtés ronds. Dans le fond, ta tête est le centre Start Select. C'est ça. Tu peux peut-être acheter des lunettes Star Select pour compléter le look. Ça serait cool. Mais donc, l'écouteur mettons, gauche, c'est les boutons X, Y, A, B. Et à droite, c'est aussi les boutons X, Y, A, B. C'est ce que je trouve que l'opportunité est ratée. Il aurait pu mettre la flèche, le D-pad d'un côté. Ben oui, mais tellement. Bon. Puis avec les lunettes Start Select, ça aurait été parfait. Le bouton, l'œil gauche, c'est le Select, puis l'œil de droite, c'est le Start. Ben oui. Donc, c'est ça. Tout pour dire que les consoles de Nintendo, dans le temps, les NES et les Super NES, avaient tellement plus de personnalité que les Nintendo 64. La Wii, en ce moment, c'est juste une espèce de boîte blanche ou boîte noire plate. Mm. C'est pas super beau. Moi, tu sais, l'article dit qu'après la Nintendo 64, ça s'est enlaidi. Moi, je trouve que la GameCube était leur plus belle console jusqu'à maintenant. Le modèle noir, là, le cube avec une poignée, je trouve que c'est vraiment beau. C'était beau, mais c'est-tu la console qui a duré le moins longtemps, je veux dire? Le moins longtemps et qui... Elle ne sert absolument à rien. Ben, il n'y a pas eu assez de jeux dessus, mais en effet, les jeux qui sont sortis dessus, j'y joue encore. Des Luigi's Mansion, des Super Mario Sunshine, des Zelda, des Donkey Kong... Mais c'est parce que tout de suite, tu peux les jouer sur la Wii. Non, les jeux de GameCube ne sont pas encore sur la Wii. Ça a l'air con, mais c'est pas le cas. Non, mais si t'as le jeu physiquement... Ah oui, mais il faut que t'aies la première Wii. Ceux qui ont acheté une Wii à la sortie... Moi, j'ai la première Wii. C'est ça, mais il y a eu plusieurs versions de la Wii par la suite. Pas la Wii U, on parle pas de la Wii U la plus récente, mais la Wii version 2 et 3. Là, genre, il y en a eu comme deux après, puis la Wii Mini. Ils ne jouent toutes pas les jeux de GameCube. Mais moi... Modèle d'origine. Ouais. Et il se trouve encore le modèle d'origine, mais il se vend plus cher parce que... Il joue des jeux ben de GameCube. Ben oui, tu peux mettre les manettes aussi de GameCube. Ben oui. Exactement. Et en passant, anecdote comme ça, mais tu peux maintenant, avec le prochain Super Mario, Super Smash Brothers, tu vas pouvoir acheter un adaptateur de manette de GameCube pour la Wii U, pour jouer à Super Smash Brothers. C'est bien ça. Bref, c'est donc un vendeur pour en venir aux écouteurs en manette de Super Nintendo. C'est un vendeur sur Etsy qui s'appelle Coutouleras qui vend ces écouteurs-là pour le prix de 43$ américains. Ensuite, tu veux avoir un cinéma maison, mais tu veux pas avoir un gros, soit une grosse boîte de médias, un media center sur ton meuble de télé. Tu veux pas avoir un gros ordinateur. T'as pas d'argent pour acheter un Mac Mini, tu sais. Tu veux quelque chose qui ne paraîtra pas. Il te faut le Pixel G-Pack. C'est un ordinateur qui se connecte à votre télé haute définition à l'arrière du téléviseur en tant que tel. Oh, donc c'est discret. Discret, on ne le voit pas. Le G-Pack donc est fait pour être sandwiché entre le mur et le rack, le socle à télé. Et ça supporte des télés jusqu'à 220 livres et des affichages entre 37 et 70 pouces. Ça peut aussi fonctionner avec quelques télés 32 pouces. Ces composantes internes sont arrangées dans un châssis très, très mince, mais rectangulaire. C'est quand même assez cute, mais c'est ça, on le voit pas, fait que ça change rien qu'il soit cute ou pas. Pixel dit que le G-Pack vient avec un système de refroidissement très, très silencieux qui ne fera pas l'interférence avec les ventilations de votre télé. Ah, c'est bien ça! C'est important, mais oui. On demande environ 1645 américains sur Kickstarter pour avoir votre propre G-Pack PC. C'est énormément cher. 1600. Ça. 1600. Pour un ordi. Et ça, c'est le moins cher. Hein. Il y a différentes variantes avec des meilleurs processeurs et meilleures pièces. Il y a aussi un châssis G-Pack pour faire votre propre ordinateur custom, personnalisé. On peut l'obtenir en récompense pour seulement 445. Donc, juste ça. Juste 445 pour un frame de métal. Wow. Avec des trous les vis, t'sais. Ensuite, on transite à un sujet un petit peu plus sexuel, en fait. C'est ce que la compagnie appelle un outil de finition pour la masturbation. OK. Un outil de finition, hein, dans la construction, on aime ce terme-là. Donc, ça s'appelle « the handle ». C'est un gant de silicone. J'allais vraiment dire un gland. Un gant de silicone fait pour que les hommes puissent se donner un peu de plaisir. Donc, c'est le produit ultime pour le plaisir. C'est pour hommes. C'est pour hommes. C'est rare. Oui, c'est vrai. Donc, ça utilise votre pouvoir d'agrippage, hein, et ça vous donne un meilleur contrôle sur votre plaisir avec un design à la fine pointe et des matériaux de luxe. Donc, le design ressemble à aucun autre produit pour hommes. Il y a une chambre situé sur le dos du gant, qu'on peut remplir d'un lubrifiant à base d'eau, mais seulement à base d'eau. Okay. On remplit, ben oui. On remplit de lubrifiant, on remet le bouchon et il va y avoir dans la handle un jet qui va se faire pour pouvoir continuer la lubrification lors de l'acte. C'est cool, ouais. Ça. Donc le handle vient avec un petit, il appelle ça une vibrating bullet. Donc, c'est une genre de petite balle, si on veut, de fusil ou presque, de vibration qui s'insère dans une petite poche située sur le petit doigt de l'appareil qui fait une petite vibration exactement à l'endroit où tu veux faire vibrer ça. Donc, le handle présentement ramasse de l'argent sur Indiegogo, $150 pour avoir votre première édition et $50 pour une deuxième édition plus tard. OK. The handle. C'est très complet, ce petit gadget-là. Oui. T'as même plein de couleurs. Ah, j'ai pas vu les couleurs. Oui, tu l'as en noir, en rouge, en vert et en bleu. Toutes des couleurs très colorées que je trouve nuisent à la, j'imagine, concentration. Je trouve que rouge, c'est trop brillant. Mais, ouais, mais c'est quand même des couleurs masculines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas du pastel. Non, c'est ça, c'est des couleurs profondes. Ça nous dit contrôle complet et profonde, j'aime ça. Contrôle complet et perfect grip action. Ensuite, vous voulez savoir ce qui se passe à la maison? Peut-être que votre copain est en train d'utiliser le handle, vous voulez le savoir. Non, c'est pas une caméra du tout. Donc, si vous êtes loin de la maison, vous voulez garder l'œil sur votre maison, vous avez peut-être fait installer le système d'alarme. Mais le système d'alarme ne fait que sonner l'alarme lorsque quelqu'un brise une fenêtre ou qu'une porte s'ouvre. C'est pas assez intelligent. Donc, un nouveau produit arrive sur Kickstarter nommé Notion, qui rend votre maison plus intelligente. Ça vous envoie des alertes par rapport à des conditions de 7 sensors différents. Sur chaque petite rondelle de Notion. Chaque appareil a un accéléromètre, un sensor de lumière ambiante, un gyroscope, un sensor de température, un transducer piezoélectrique, un sensor de proximité et une probe pour les fuites d'eau. Donc, les données sont ramassées par les rondelles, envoyées à une station de base de Notion qui est connectée via votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez savoir quand une porte est ouverte grâce à l'accéléromètre et au sensor de proximité. Ça vous permet de savoir quand votre enfant revient à la maison. Il y a aussi un sensor de température qui va vous aider à savoir l'énergie que vous utilisez, donc l'électricité que vous avez dépensée, pour laquelle vous avez dépensé à la maison. La probe pour les fuites d'eau va vous envoyer une alerte s'il y a évidemment une fuite d'eau. Et si vous aimez peut-être faire du barbecue, le transducer piezoélectrique va mesurer le propane qui reste dans votre réservoir de propane. Oh, ça, c'est pratique. Ça peut te dire s'il y a une fuite aussi de propane. Exactement. Oh. Notion, donc, demande $50 000 présentement sur, c'est sur attention, Kickstarter. Ils ont déjà ramassé 6 fois le montant. Ah ouais. Donc, on vous demande $129 américains ou plus pour avoir votre hub et un seul sensor. On peut après ça acheter des emballages, des ensembles de 3, 5 et 10 sensors. OK. Mais c'est quand même pas si cher. Je veux dire, ça peut protéger justement des explosions et des dégâts d'eau et tout ça. Je pense que c'est un bon investissement parce que les réparations qui vont s'en suivre seront beaucoup plus dispendieuses. Exactement. Maintenant, tiens, une meilleure peut-être offre pour vous soulager votre esprit philanthrope. Vous voulez donner à des bonnes œuvres, des bonnes causes, mais vous savez pas comment procéder. Hein? T'sais? Ben non, je sais pas. Vous cherchez des places où donner de l'argent. Parce qu'on n'en trouve jamais des places où ils demandent de l'argent. Jamais, jamais, jamais. Donc, dollaraday.co est un nouveau site, une nouvelle façon de découvrir et de soutenir des organismes à but non lucratif. Donc, ils vont mettre en vedette une nouvelle organisation à chaque jour et tout le monde va automatiquement donner $1 à chacune de ces organisations-là qui sont présélectionnées. Okay? Ah. Donc, il y a 732 personnes présentement qui sont abonnées à ça. C'est 100% déductible d'impôts. Et donc, à chaque jour, on donne $1. C'est $30 par mois, évidemment. Ou 31. Non, c'est tout le temps 30, par contre. Ouais. Ah! C'est une moyenne de jours, je pense. Ben, ça fait quand même $1 par jour. Quand même $1 par jour. Donc, il y a des mois à 28 jours et d'autres à 31. C'est une bonne question, ça, j'avoue. Hein? Ça fait une moyenne de 30 par jour. Je me demande, je sais pas parce que. Par mois. En tant que tel, je pense que l'abonnement c'est 30 $ par jour. Fait peut-être qu'une fois que tu mets tout ça ensemble et que tu redistribues 1 $ par jour de mois à chacune des compagnies, ils vont peut-être en avoir juste moins à un certain moment ou tu sais. Parce que je pense que c'est vraiment juste 30 $ que tu donnes par mois. Ah, OK. Mais bon. Bref, peu importe, c'est automatique. Tu n'as pas à penser à quel endroit envoyer ton argent. Ils t'envoient un petit courriel, très, très court courriel à chaque jour pour te dire à quel organisme c'est allé. Tu peux évidemment choisir de ne pas recevoir ce courriel-là, mais c'est quand même évident. Donc, 1 $ par jour qui peut vraiment aider pour chaque 3000 donneurs qu'on va avoir. Évidemment, le site vient de commencer quand je disais qu'on avait 732 tantôt. Mais à chaque 3000 donneurs, c'est plus d'un million de dollars par année à des compagnies, des œuvres de bienfaisance. Donc, 30 $ par mois, déductible d'impôt, facile d'annuler. Le courriel qui n'est pas partagé, votre adresse courriel, vous ne recevrez pas de spam de chaque organisme à chaque jour après ça. Et ils font aucunement d'argent. Les dons du site sont ramassés par des bénévoles. C'est dollaraday.co. C'est super le fun. Oui, ben tu sais, des fois ça peut être un bon cadeau aussi. Là. Mais j'aimerais ça voir, j'aimerais ça connaître à l'avance où ça va aller. Parce que peut-être qu'il y a des organismes qui te touchent moins personnellement. Puis tu dis, ah, j'aurais préféré l'envoyer à telle place. Donc, mais j'imagine que toutes les causes qui sont là vont être bonnes. Sont choisis par des gens qui savent ce qu'ils font dans le domaine. Par contre, moi, si j'avais une suggestion à leur faire pour monter leurs 732 membres, de faire différents paliers. T'sais. Clairement, là, si je pouvais donner 10 $ par mois, 20 $ par mois ou 30 $ par mois, au moins j'aurais une certaine marge de manœuvre. Mais ça marche pas, c'est parce que le site, c'est $ID. Tu sais, ça devrait être peut-être genre... $ a month. $ a month, exactement. $ a week. T'sais, il pourrait y avoir différentes déclinaisons de ça. Mais bon. On passe à un autre sujet. C'est vrai que ça serait plus dans mes moyens. Moi aussi, c'est ça. Dollar a mort, c'est plus dans mes moyens. OK. Noël s'en vient, bouhouhouhou, un jour peut-être, après l'Halloween. Donc, pour ceux qui veulent... Tu sais, acheter sur Internet, des fois, le shipping est long, fait que ça pourrait être pratique de le faire tout de suite. Un vendeur sur le site Etsy, qui est Lighter Cases, fait des décorations de Noël de la forme d'objets dans Super Mario, hein, mais version pixelisée du NES. Oh wow, ça c'est beau! C'est très très joli. Donc, Mario, Luigi, un Goomba, un fantôme Boo, hein, un bloc d'articles, point d'interrogation, le champignon, la fleur de feu, le champignon de vie, hein, et en plus, en très très gros, l'étoile qui va où? Au sommet! Dessus! Oui! Oh, c'est beau! Donc, c'est fait à partir de petites billes de couleurs et c'est super rétro. L'ensemble au complet coûte 40 $ américains. Pas si pire, c'est un dollar a day plus 10 piastres. Dollar a month, excuse-moi. Non, c'est dollar a day, c'est bien ça. Ensuite, on reste dans les jeux vidéo avec des outils pour les chats. Hein. Tu sais, les chats, ils aiment se gratter les ongles. Mais là, on les poignets. Les ongles, les griffes. Les griffes. Moi, j'appelle ça les ongles comme j'appelle ses poils les cheveux. Oui, c'est normal. Ok, c'est un peu fou. Un petit peu, c'est mon enfant, c'est ma fille. Donc, ils se graffinent des fois, tu sais, sur le divan, tu sais. Genre. Fait que là, on l'achète un petit objet, un meuble. Un gratteux, de peu importe en quoi c'est fait, ces affaires-là. Mais ça, c'est laid. Imagine si t'avais une grosse manette. Oui, c'est vrai, c'est laid. C'est affreux. Si t'avais une grosse manette de joystick d'Atari à la place. Hein, ou si t'avais un Etch a Sketch. Hein? Oh! Ou une manette de NES. Ils ont appelé ça un Katari. Ok. J'avais pas vu. Et t'as-tu vu que Nintendo, c'est Nine Lives? Oh! Hein, et que le Etch a Sketch, c'est. Est-ce que tu le vois douter? Je le vois pas. C'est Etch-a-Scratch à la place. Ah ben oui, c'est parfait. C'est la compagnie If Industries qui fabrique ça. C'est un concept, malheureusement, on ne peut pas les acheter. Je sais que c'est vraiment triste. Ah ben là, je veux un Katari. Va falloir que tu le fabriques toi-même, ton Katari. Come on. Et voilà, c'est If Industries. Ensuite, on reste dans les animaux de compagnie avec les lasers. Vous savez, les chats particulièrement. Les lasagnes. Les lasagnes. On reste dans les lasagnes. Les animaux de compagnie. Bon, on parlait de chats, c'est Garfield, exact. Voilà. Non, on parle de laser, parce que les chats aiment jouer avec les lasers. Des fois, ça va même les rendre fous. Si tu veux justement les rendre fous en tout temps, imagine, achète-leur un petit collier qui va tout le temps envoyer une lumière laser sur le plancher ou sur le plafond. Mais là, c'est cruel. C'est de la cruauté envers les animaux. C'est Thingy qui est cruel envers les animaux en ce moment. Mais en fait, c'est pas bon pour les animaux. C'est vraiment mauvais pour leur santé mentale. Oh, oh. C'est vrai. Quand j'ai appris ça, j'ai arrêté de jouer avec ça avec mon chat parce que quand ils chassent, s'ils attrapent jamais leur proie, c'est pas bon pour leur estime. C'est vrai, là. Ouais. Fait que c'est pas bon. Faut qu'ils aient l'occasion d'attraper leur proie alors que le point rouge, mais tu peux jamais l'attraper. Mm-hmm. Ça se poigne pas. Fait que c'est pas bon pour eux. Est-ce que tu penses qu'il y a un équivalent pour le ROBSM, pour les chats, mais à la place, c'est le BSM? C'est le regroupement des organismes de base en santé mentale 0417, tu connais? Ouais, ouais, ça me dit quelque le chose. Ah, laisse faire. Je l'ai trouvé bien bonne. Eh oui. Ça inclut pas le collier, c'est le Laser Color Pet Toy. Ça inclut pas le collier en non, plus. Mais c'est, non, mais en même temps, on voit ça comme une bonne chose. Hein. C'est, tu peux choisir un collier qui va avec ton chat. OK, t'as le petit bidule en plastique que tu mets sur ton propre collier. C'est okay. Exact. Donc, tu peux vraiment choisir n'importe quel collier entre 0,5 pouces de large et 1 huitième de pouce de large hein, pour votre chat. Le Laser Pet Color Toy est aussi très, très peu dispendieux. À seulement 10$ chez Teen Geek. Pas mais cher. Le shipping de 15$. C'est ça. Moi, ce qui m'émeut sur la photo, c'est que le chien est sur un tapis de l'étoile noire puis il y a un R2-D2 dans le coin. Super Star Wars, hein? Ouais. C'est vraiment Star Wars chez Teen Geek, hein? Ensuite, on a parlé de Etch-a-Sketch tantôt. Ici, c'est plutôt un Eject Bed. OK. Ouais. Tu sais, on peut acheter tout plein de sortes de systèmes d'alarme. Ben, pas de système d'alarme, mais de radio-réveil, si on veut, qui vont vous réveiller de façon hétéroclite pour vraiment t'assurer de te lever. Par exemple, il va falloir que tu pourchasses ton cadran, il va falloir que tu fasses un petit puzzle, que tu sais, il y a plein de bon, plein de cadrans différents. Mais moi, le je pense que t'as même un gun que tu tires dans une cible. Je pense que c'est le plus cool, ça, là, clairement. Mais le programmeur Jamie Dixon a une meilleure idée. Si tu veux vraiment te réveiller, c'est d'enlever l'option de même rester au lit. C'est un lit qui chavire et qui va vous sagrer à terre par le côté. Ah, ouais. C'est intéressant. Pour aider son fils à se réveiller, Jamie a donc ajouté un système, je sais pas si c'est hydraulique. En fait, il a été inspiré par les lits d'hôpitaux qu'il cherchait sur Craigslist. Mais tu sais qu'on peut lever hydrauliquement parlant juste la tête. Oui. Mais là, à la place de lever la tête, ça lève le lit au complet de côté. T'sais. C'est vraiment chien. C'est super bien fait, je trouve. Mais bon, donc c'est, ça va très très lentement là, pour pas brusquer la personne, mais c'est clair que la personne finit par terre si elle se réveille pas assez rapidement. Ben, c'est clair. Allez voir le blog de Jamie pour en savoir plus sur la façon que vous pourriez utiliser pour construire votre propre lit. Donc les conseils sont sur assemblagerequis.com. Moi, je continuerai de dormir par terre si je tombe en bas, je pense. Ouais. Je sais. Ben oui, c'est sûr, t'as même pas de base. Non, c'est ça, j'ai même pas de base. En bas de ton matelas, c'est pas très haut. C'est vrai. En passant, je cherche une base de lit. Pas cher, merci. Queen. Oui, Queen, en passant, avec une moustache, s'il vous plaît. Avec une couronne. Comme Queen. Ouais. Ensuite, le popcorn. Ouais. Le popcorn, c'est bon. Ouais. Mais c'est plate quand tu te ramasses avec un grain, une graine de popcorn là, cru, là. Dans la bouche. Oui. Pas cuite, hein? Ça te fait mal aux dents? Tes plombages tombent? Outrage? Hey, parlant de ça, de graines pas cuites dans la bouche, hier, on a parlé d'olives, du pimento. Oui. Ben, hier soir, mon chum a mangé une olive. Il s'est quasiment pété une dent parce que le noyau est encore dedans. Puis c'était une olive qui était supposément sans noyau? Avec un pimento dedans. Outrage. Il y a un pimento et en plus... un noyau. Parce qu'on se rappelle, hier, dans la chronique Arrête avec tes questions, on parlait que c'est une machine qui pousse le noyau par un X de gravé dans la forme, c'est un X, que ça pousse le noyau et que ça insère le pimento. Et là, ils ont une étape qu'ils ont oubliée. Il y avait encore le noyau dedans. Ridicule. Mais c'est parce que tu te donnes un swing là, quand tu manges ça. Inacceptable. C'est une marque maison d'épicerie? Non. OK. C'est une grosse marque? J'ai aucune idée c'est quoi la marque, là, je m'en souviens pas. Ça dirait que je m'attends à mieux d'une grande marque, mais à moins de ça change rien, c'est fait dans la même usine. Ah, c'est ça. C'est juste le nom qui change. Pourquoi le goût est différent? Ben, parce que ça doit être l'autre usine. Ah ouais, d'une autre marque grande. Ben, c'est ça. OK, ouais. Ben, raison. Je pensais qu'il y avait juste une marque de ketchup dans la vie, ça. Ben, c'est ça. Juste une compagnie qui en faisait. Tellement naïf. Bref, on parlait de popcorn, étrangement. Des fois, il peut y avoir un grain qui n'est pas pété. La solution, c'est le nouveau bol Kernel Filtering Popcorn Bowl de la céramiste. J'imagine. Céramique. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est Catherine Smith de Portland en Oregon. C'est un dôme. Donc un bol hein, en forme de dôme. D'habitude, les bols sont souvent en forme de dôme, je trouve. En céramique. Et il y a un dessous inspiré des passoires. Tu sais, les passoires? Non, on dirait un... Tu sais, dans les douches publiques, là? Oui, un drain. Un drain, c'est ça. Oui. Un drain à popcorn. Mais ça ressemble à ça. Mais facilement, tu peux donc brasser ton bol et les grains vont tomber dans la poubelle directement sans avoir à avoir peur de manger les grains. Ah! Mais en fait, t'as vu qu'il y a un compartiment? Donc, t'as même pas besoin de te mettre au-dessus de la poubelle puis de shaker parce qu'en tant que tel, tu peux juste ouvrir la porte et virer ton bol Il y a un petit compartiment, mais moi, je suis sûr que ça tombe pas tout dedans. Ouais. Parce que ça va pas nécessairement tout dans le fond. C'est sûr. Mais là, peut-être que tu pourrais brasser puis le faire tomber dans le fond. Ouais, peut-être. Probablement. Sinon, va en douche, puis brasse dans une douche publique, puis brasse ton popcorn. Ça. Shake the popcorn. Nanana. Ça, c'est dans le Rocky Horror Picture Show. Hein, ensuite, on a les références que pas sûr que tu as compris à celle-là, hein, le Rocky Horror Picture Show. Okay. Le mini-presso. Tu sais, dans la vie, c'est facile de se faire du café sur la route. De nos jours, c'est facile d'aller chercher un café sur la route, c'est facile d'avoir un thermomètre, c'est de l'amener sur la route. Peut-être pas de le faire sur la route, en effet. Non. Mais c'est plus difficile, plus problématique quand t'as un goût d'espresso. Ah ben oui. Plus difficile. Tu vas pas nécessairement être à côté d'un restaurant qui fait des espressos. Non. Tu sais, quoi que c'est rendu que McDo en fait, mais justement, tu veux un bon espresso. Ouais, c'est ça, t'en veux un bon, Tu veux un bon. Donc, le mini-presso, c'est un système d'espresso à la main. Une machine qui vous permet de vous concocter un délicieux shooter d'espresso, peu importe où vous êtes situé. La clé, c'est le piston semi-automatique inclus à l'intérieur qui va faire une pression d'extraction optimale après seulement quelques pompes. On va injecter une petite quantité d'eau dans l'adaptateur pour faire un drink, une boisson remplie de saveurs. Est très, très riche. Et on n'a pas besoin non plus de se rappeler d'amener un verre parce que le capuchon est aussi un verre. Ah, comme un thermos. Ça ressemble en plus visuellement à un thermos. Il est beau, hein? C'est très, très beau. Vraiment, là. C'est beau. C'est un fini mat très agréable. Genre, on dirait quasiment un aluminium brossé, mais je pense pas que ce soit un aluminium, mais c'est vraiment classe au bout. Le mini presso, c'est pour 40$ seulement. Hein? Es-tu surprise? Moi, je suis surpris. Là. 40$? Physiquement, c'est ma face de gars surprise. Ouais. Mais voyons donc. Vraiment. Mais pour vrai, là, je suis comme étonné, je m'attendais à comme 150$. Et on fait Bayette Nord sur deux, hein, c'est ça? Ben oui, tellement. Sur deux. Mais voyons donc. As-tu vu le prochain qui est aussi très intéressant visuellement parlant? Non, je m'en sers que je veux le mini presso. Vis dans le présent, tu sais, vis pas dans le futur. Dans le futur, c'est une cuillère à crème glacée, donc je pense que ça aussi, tu vas la vouloir. Hey! Fait, qu'est-ce qui accompagne mieux un espresso que de la crème glacée. Mais puis elle est super belle, puis elle fit avec le mini presso. C'est encore une fois de l'acier brossé. Tu peux pas avoir plus beau que de l'acier brossé. Il y a même trois petites étoiles sur le manche. Trois petites étoiles qui veut dire que la suite du pot de crème glacée est dans le frigidaire. C'est voir la suite. C'est les trois étoiles dans un journal, c'est souvent voir la suite. Donc, c'est la Midnight Scoop. Et contrairement à une cuillère traditionnelle ou même une cuillère à crème glacée qui est faite exprès pour la crème glacée, mais souvent, quand on va avoir de la crème glacée très, très solide, ça va faire plier la cuillère. Ouais. Et tu vas vraiment devoir forcer, ton bras va être vraiment épuisé. Puis là, ben, tu viens de te servir du handle tantôt. Fait que là, ben, ta main t'engourdit. Ben oui. OK. Ben, en tout cas, c'est ça, vraiment intéressant. Donc, la Midnight Scoop est plutôt courbée et le tout va aller dans la paume de ta main, ce qui va permettre de faire un effet de levier, même avec les crèmes glacées les plus solides. Ah. Tu vas pouvoir te barrer le poignet et te faire des muscles avec ça et ça te fera pas mal. C'est presque indestructible. C'est de l'aluminium, littéralement pas de c'est pas juste de l'acier brossé, c'est de l'aluminium solide 60-61. OK, il s'habille en quatre couleurs. Naturel, qui est un aluminium complètement normal et poli. Ensuite, t'as Moonstone, qui est blanche. Ebony, qui est genre genre de métal anodized. C'est un autre look mais métallique un peu quand anodin. Même. Anodin, ben oui. Et Graphite, qui est encore une fois anodin, est montré sur la photo qu'on voit en haut de l'article. Moi, c'est ça que j'allais dire. Ça doit être Graphite, celui-là. Sur assemblagerequis.com. Graphite, c'est souvent une couleur foncée, pas vraiment noir, mais genre de gris foncé. C'est beau. Ben, couleur mine de crayon. Oui. C'est une de mes couleurs préférées facilement. C'est super beau. Et la cuillère est super belle. Elle est comme en pointe au bout. Donc, ça permet de bien pénétrer la crème glacée. Exact. Merveilleux. Ensuite, un enfant de 16 ans sur Internet, sur Kickstarter, propose une idée ingénieuse. C'est une plaque de boutons de lumière. De plaque de boutons de lumière de normal. Ce qui va autour de la Switch. Ce qui va autour de la Switch, la plaque. Sauf que c'est un tableau blanc, la plaque. C'est Nick Bain qui lance le Switchport, un projet Kickstarter qui demande 750$ en tout. C'est vraiment pas beaucoup, il aurait pu aller à 1000 facilement ou même 5000. Mais ça va remplacer votre couvercle de boutons. Ça va le remplacer par un tableau blanc où on peut écrire. Et en plus, c'est que le truc, la plaque de plastique, est faite avec un petit socle en haut pour mettre ton marqueur à effaçage à sec. Donc ça va tout le temps être disponible. On demande 12$ pour une Switch, une plaque, jusqu'à 75$ pour 7 plaques. Si Nick, donc, qui on rappelle a 16 ans, réussit à avoir l'argent pour son projet, il va devenir la plus jeune personne à réussir à ramasser ses fonds sur Kickstarter. Le plus jeune de tous, 16 ans. C'est cool. Vraiment bien. Mais ça sert à quoi? Je veux dire, qu'est-ce que t'écris là-dessus? Ben genre, mettons, ferme la fenêtre avant de sortir de chez vous, comme moi, mettons, j'écrirais ça. Ou amène une grosse pointe à l'adresse. Ouais, mais si ta lumière était fermée... Puis que t'as pas besoin de la Switch avant de partir. Mais moi, mettons, j'ai une lumière dans le corridor avant de sortir, c'est sûr que je le vois. Dans le corridor à côté de la porte, c'est sûr que je le vois même si la lumière est fermée. T'sais. Peut-être que tu devrais changer la couleur à chaque jour pour te rappeler, parce que sinon, tu vas évidemment finir par l'oublier qu'il y a de quoi l'écrire. Il faut que tu l'effaces immédiatement après l'avoir lu et après l'avoir fait. Pareil comme mes post-it que j'y jette quand j'ai mis ça à la porte, parce que je les vois plus. T'sais. C'est ça. OK. Et on va terminer avec un dernier très rapidement, juste parce que je le vois et j'ai pas le choix d'en parler. Tu sais, à l'Halloween, Ouais. Tu veux porter une queue d'animal? Ouais. OK? Ouais. Sauf que tu trouves pas ça assez réaliste? Non. Ça, c'est une queue de 14 pouces de long, mais qui s'insère directement dans le trou dans l'arrière. Ah! Ah! Ouais. C'est un fess plug. C'est un fess plug. Mais de queue d'animal. Queue de renard. Ouais, on peut l'acheter sur Internet en ce moment. La photo sur assemblagerequis.com est floutée, mais sur Amazon.com, on a l'objet au complet pour 27,82$. Ultra sexy, ouais. On l'a dit, plug anal, hein. Assez mince pour les débutants, donc c'est pas un gros heavy duty, you know. Le design en pointe pour faciliter l'entrée et 14 pouces de queue, voilà. C'est là-dessus qu'on termine cette Halloween edition de ce gadget dans Sexist, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça donne quasiment le goût. Ouais, hein? Pas gay. Pas gay, comment? Pas game. Pas game, OK. Voilà, pour ça existe, les liens sur assemblagerequis.com. On fait ça les mercredis, d'habitude. Génial. On prend une pause au retour. Il nous reste la chronique Master Steph. Ouais. Avec Stéphanie Paradis. En fait, je suis en train de lui mettre une musique de retour. Plus une musique d'envoi. Voilà. Est-ce qu'on reviendra pas ou on s'en va? On s'en va pas. On s'en va pas loin, on reste en fait assis. Parce que je voudrais pas bouger avec ce que j'ai dans les fesses. Non, ça c'est pas... Comment? Comment? C'est pas le moment de faire un malaise pour vrai, par exemple. Le malaise, c'est déjà fait. Oh. Le malaise, c'est déjà fait. Mais oui, c'est... on parlait de tes fesses. Ouais, c'est ça. Malaise, hein? Ouais, c'est ça. Je vais... Je savais pas que t'avais une grosse queue poilue. Dans les fesses. Malaise, deuxième édition. C'est la late edition du malaise. C'est comme les journaux qui sortaient deux fois par jour. Nous autres, on a le late edition du malaise. Oh. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. J'espère que vous n'avez pas quitté votre siège parce que vous allez manquer quelque chose d'assez délicieux dans la bouche et dans les oreilles. Oui, surtout dans la bouche. C'est ce qu'on appelle Master Steph. Master Steph, slogan surtout dans la bouche. Non? Non, c'est plus Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Ah oui, la chronique alimentaire culinaire est dans ta gueule. Oui, j'ai cuisiné, et encore cuisiné. Et qu'est-ce que j'ai cuisiné? Ouais, je sais pas, moi, encore une fois, on me prend toujours par surprise, mm-hmm. Et vous aussi à la maison. Donc là, on est à l'automne, septembre, octobre. C'est la saison de quoi? De la citrouille. Avant? Des feuilles. C'est pas un fruit, du rouge et du orange. Un fruit, mais attends. Un fruit? Mais encore un citrouille? Attends un peu. C'est un légume. C'est un légume, la citrouille? Oui, c'est une légume. J'apprends des choses en plus. Je suis pas ici pour apprendre, je suis pas pour manger. Mais, non, je sais pas, un fruit de l'octobre. Des pommes. Bon, ça le fait. C'était dur, ça. C'était vraiment difficile. Hey, c'est malaisant. Vraiment. Fait que moi, je me suis dit, des pommes, tu sais. C'est plate, on en voit toute l'année des pommes. Oui. Oui. Oui, oui. Mais, est-ce que tu manges à l'année des biscuits pommes caramel? Pommes caramel! Oui! Je t'ai dit l'autre semaine que c'était mon bain préféré chez Tim Hortons. C'est vrai. Donc, on mange des biscuits pommes caramel aujourd'hui. Mais avant de les manger, on va les faire. Hein? Ben oui. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire nos biscuits pommes caramel? Ça prend quand même beaucoup d'ingrédients. Hein? Donc là, si à la maison vous voulez suivre... C'est vrai. Vous pouvez voir un peu le processus de cuisinage. De cuisinage. Donc, parce que je prends des photos live, puis là, je mets ça sur la page Facebook d'Assemblage requis. Dans l'album photo Master Steph. Donc, vous pouvez voir là, la première photo. C'est facile. Elle s'appelle Biscuit Pomme Caramel 1. Oui, il faut aller dans l'ordre, là, parce qu'il y a toutes les autres recettes avant, mais c'est les dernières. C'est, ça. Là, c'est bon. Donc, on peut voir tous les ingrédients. Il y en a beaucoup, ouais. Et je vais vous les nommer. Tu prends des belles photos en plus. Mais merci. Ouais. Mais j'avais fait en tout cas. J'avais mis un petit fil dessus, puis ça n'a pas marché. Trop Instagram, hein, toi, t'es tellement... Non, c'était pas Instagram, là. Non, pas du Instagram. Bref, les ingrédients, ça vous prend 2,5 tasses de farine tout usage, 1 cuillère à thé de poudre à pâte, 1 demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, 1 demi-cuillère à thé de sel, 3/4 cuillère à thé de cannelle moulue. C'est précis, ça? Oui, c'est précis. Et 1/4 cuillère à thé de muscade moulue. 1 tasse de pomme Granny Smith pelée et râpée. Donc, c'est environ 2 petites pommes. Là, pas n'importe quelle pomme verte, le Granny Smith seulement. Ben, en fait, la Granny Smith, étant donné que c'est une recette américaine, okay. Eux autres, ils n'ont pas nos pommes québécoises, probablement. Donc, la Granny Smith est très bonne pour la cuisson. Sans nécessairement se compoter. Donc, je vous dirais d'aller avec la Cortland si vous voulez utiliser une pomme locale du Québec. Okay. Moi, j'utilise la Granny Smith parce que j'essaie de suivre quand même les recettes. Mm-hmm. La recette de grand-mère, Granny. C'est ça, exactement. Ensuite, ça prend 1 cuillère à table de jus de citron. Moi, je vous dirais que c'est le jus d'un petit citron complet parce que moi, je prends pas du jus en petite bouteille. Non. Je presse mes citrons. Ensuite, ça prend 1/2 tasse de beurre non salé ramolli. Donc, on le laisse sur le comptoir un petit peu. 1 tasse de cassonade tassée. Donc, c'est pas une tasse de cassonade de lousse, là. Mais on pèse là, pour remplir notre demi-tasse. Donc, c'est une grosse demi-tasse. Demi-tassonade, comme on appelle. C'est ça, exactement. Ensuite, ça prend 1 gros œuf, 1 cuillère à thé d'extrait de vanille et 1 demi-tasse moins 1 cuillère à table de jus de pomme concentré surgelé, décongelé, mais toujours froid. Okay. Donc, on le met au frigo, finalement. Oui. Donc, c'est ça, c'est 1 demi-tasse, mais on enlève 1 cuillère à table parce que sinon, c'est trop. C'est trop goûteux, trop sucré. Et ça fait la différence, j'en suis certaine, parce que c'est très, très goûteux, Les concentrés de jus de pomme. Il a fallu que je fasse une autre épicerie pour la trouver. Il n'y en avait pas dans l'épicerie où je vais habituellement. Le concentré de jus congelé aux pommes, il n'y en avait pas partout. Bizarre, ça. Donc, moi, c'est de la no-name. C'est la seule que j'ai trouvée qui était aux pommes. Okay. Donc, ça prend ça. Ouais. Ensuite, ça, c'était juste pour le biscuit. Là, on est rendu au glaçage. Ça prend 1 demi-tasse de cassonade tassée, 1/4 tasse de beurre non salé, 2 cuillères à table et demie de jus de pomme concentré, 1/8 cuillère à thé de sel, 2 cuillères à thé et demie... Deux tasses. Là, il manque le tasse, là. OK. Fait que peut-être de ne pas l'oublier à l'ajouter sur le blog, parce que 2 et demi, c'est pas clair. C'est 2 tasses et demie de sucre en poudre et 1 demi-tasse de pacane finement hachée. Ça va? C'est quand même beaucoup de stock. Mets toutes les informations sur la page Facebook, sur assemblagerequis.com, tout est là. C'est ça. Mais c'est beaucoup d'ingrédients, il faut pas qu'il y ait pas avec ça. C'est tous des trucs qu'on a déjà dans notre garde-manger. T'as rien acheté de nouveau à part le jus de J'ai acheté de le jus, les pommes... Oh, j'avais pas de sucre en poudre. Bon, mais tu sais, j'avais déjà des pacanes, t'as déjà le sel, t'as déjà le beurre, la cassonade, les œufs. Donc, c'est pas si pire que ça. Comment on fait ça, Mathieu? Comment on fait ça? Étape 1. Ben, on commence par préchauffer le four à 350. Étape facile, pas de photo encore pour ça. T'as pas encore jugé important de mettre une photo de four. Je vais être honnête, là. Je cuisine puis j'oublie de prendre des photos. Donc, il y a une grosse étape où j'ai tout mélangé. Fait Il te faut un assistant. C'est pour ça qu'Éric Salvay était là avec Maman Dion dans le temps. Ben oui, c'est ça. Tu peux pas tout faire tout seul. Ben non. Là. Fait que j'oubliais vraiment de prendre les photos parce que t'es dedans, là, puis tu cuisines, là, puis les photos. Ah, Maman Paradillon, ça aurait été parfait comme nom de chronique. Maman Paradillon. Non. Je refuse. Oh, c'est Master Steph. Donc, on a préchauffé notre four. Ensuite, dans un bol, on va mélanger ensemble la farine, la poudre à pâte, bicarbonate de soude, le sel, la cannelle, la muscade. Puis on met ça de côté. Dans un autre bol, on a nos pommes râpées. Donc, aussitôt qu'on a terminé de les râper, on met notre jus de citron pour pas que ça noircisse. On met ça de côté. Dans le bol d'un mélangeur électrique, là, tu vas battre ensemble le beurre et la cassonade jusqu'à ce que ça soit crémeux. Après ça, tu vas ajouter l'œuf, l'extrait de vanille, tu continues à battre. Ensuite, tu mets la moitié du mélange de farine. Donc, pas tout, on met seulement la moitié. Et là, tu vas battre à basse vitesse. Et en continuant à battre, tu vas ajouter le jus de pomme concentré et ensuite la farine qui reste et finalement le mélange de pommes. Donc là, ça va te donner un beau mélange crémeux. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, tu vas mettre ta pâte sur une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin, le classique, en prenant soin de laisser 2 pouces entre chaque biscuit. Moi, je suis pas très bonne avec le système impérial. Ben non, hein? Donc ça me donne toujours des fusions de biscuits. Donc, ça me donne, souvent, ça me donne un gros biscuit. Mais là, j'ai un peu plus espacé, là, fait que c'est pas si pire, là, j'ai pas eu trop de fusion. C'est plus un frisbee-biscuit qu'un biscuit. Non, parce qu'il est comme pas rond, il prend la forme de la plaque, là, ça te fait un gros biscuit carré. Fait que finalement, tu mets au four pendant 11 à 12 minutes. Et une fois cuit, tu laisses refroidir complètement avant de glacer. C'est super important. Donc, tu peux même le mettre au frigo si tu dois le faire plus rapidement, si t'es pressé. Ensuite, on fait notre glaçage. Dans une petite casserole, tu vas combiner la cassonade, le beurre, le jus de pomme et le sel. Tu vas chauffer le tout à feu moyen. On veut pas que ça soit trop chaud. En battant constamment. Donc, tu dois toujours battre. Et jusqu'à ce que le sucre et le beurre soient fondus, tu retires du feu et tu vas ajouter le sucre en poudre lentement, toujours en battant, et jusqu'à ce que ça donne une consistance lisse et homogène. Et ensuite, tu tartines tes biscuits complètement refroidis d'une fine couche de glaçage parce que c'est très, très sucré. Il y a 2 tasses et demie de sucre en poudre. Est-ce que tu peux en faire plus pour avoir comme beaucoup à licher après? Oui. OK, good. Et ensuite, tu vas ajouter tes pagans au goût. Et attendez pas avant de glacer les biscuits parce que le glaçage fige très, très, très rapidement. OK. Et c'est pas des farces. Attendez pas. Donc, évidemment, de mon côté, ben moi, je fais toujours des biscuits trop gros. Hein, donc, ça a pris un peu plus que 12 minutes de cuisson. Je suis d'y aller à l'œil. Est-ce que mon biscuit... Que t'as pas l'œil, c'est ça. Non, mais pour la cuisson, ça va, là. Tu sais, est-ce que mon biscuit est bien doré? S'il est encore la même couleur que dans le bol? Tu peux même tâter un peu si c'est trop mou, si c'est liquide. Donc, tu y vas un peu plus au feeling. Ça, je pense que ça va. C'est plus les distances que j'ai de la misère. Sinon, ben, avant même d'avoir goûté, j'ai un coup de cœur pour cette recette-là parce que c'est une des plus belles pâtes à biscuits que j'ai eu la chance de faire. Parce que la texture était super onctueuse, crémeuse, riche. Il y avait vraiment beaucoup de beurre puis de sucre. C'est vraiment une grosse recette cochonne. Puis la pâte, là, était vraiment très, très belle. Donc, j'ai très hâte. Pour ce qui est du glaçage, quand je vous dis de vous dépêcher pour beurrer les biscuits, là, ça veut dire que vous beurrez à l'instant où c'est prêt. Donc, vous commencez à confectionner votre glaçage seulement quand vos biscuits sont déjà froids. Parce que c'est très, très, très rapide à faire comme glaçage. Et j'aimerais aussi m'excuser parce que ce genre de glaçage-là, je comprends pas comment on est supposé être capable d'utiliser ça élégamment. c'est carrément un glaçage de sucre à crème. Ah oui? Moi, j'avais jamais fait de sucre à crème avant. Je comprends pas comment les gens qui disent que c'est difficile... je comprends pas les gens qui disent que c'est difficile à faire du sucre à crème parce que j'ai fait du sucre à crème, je le savais même pas, là. J'ai fait du sucre à crème sans le savoir. Ça va être cet automne d'Académie. On s'entendra jamais de cette gueule. De cette gueule-là. Non, c'est drôle. Hey, imagine faire du sucre à crème sans le savoir. Wow. Donc, oui, ça fait un peu comme du sucre à crème et ça fige rapidement. Et pour ce qui est des pacanes qui sont supposées décorer, c'est parce qu'une fois que tu as terminé de glacer tes biscuits, là, c'est déjà figé. Mm-hmm. Fait que les pacanes collent plus sur les biscuits. Fait que j'ai juste saupoudré de pacanes, mais ils tombent. Ouais. Moi, ben, mon chum qui a pas pu attendre, qui a bien entendu goûter, ben, il a pris les pacanes puis il les a plantées dans son biscuit. Fait qu'on il va récolter le bonheur. Un arbre à pacanes. C'est ça. Ben, c'est ça. Écoute, c'est comme ça qu'on fait les biscuits. On prend peut-être une petite pause, hein? On va aller en musique. Mm-hmm. Et je vous propose aujourd'hui d'écouter une pièce de Sweet Jane and Claire. Et c'est Devil Kiss Me Hot, tiré de l'album Sticky Caramel Mind. Wow! Et en passant, c'est une bonne idée, ça? C'est une excellente idée. Et ceux qui se demandent, tu sais, bon, il faut que je suive les photos sur le Facebook, il faut que j'aille sur le blog. Oui, je sais, il faudrait que je donne aussi les numéros de photos. Tout à fait, mais il y a aussi, est-ce que tu postes la liste des ingrédients directement là? Non, mais tu vas mettre un lien pour aller sur le blog, l'assemblage requis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on s'en va entendre ta chanson tout de suite dans Master Steph et on revient avec une deuxième partie. Et aussi, restez là parce qu'à venir, à la toute fin de la chronique, à chaque semaine, il y a des petits trucs et astuces. Oui, en plus de manger, on se donne des trucs pertinents. On n'est-tu pas pire, hein? On est quand même, on l'a l'affaire. Ouais, ouais. On l'a. On n'est pas vite des fois, mais on l'a. Non, mais ça dépend des personnes, là. C'est ça. Des fois, on est là, puis on stalle ou on patine, tu sais, puis c'est comme long. Puis des fois, ça pourrait être malaisant. Ça pourrait créer un certain malaise. Puis des fois, ça peut rallonger aussi pour rien. Pour rien, tu sais, on peut perdre du temps alors que, tu sais, on sait qu'on a une case horaire fixe, tu sais. Mais... Ouais, et tu sais, puis surtout qu'à chaque chronique, c'est la même chose, c'est le même pattern. Même pattern. Mais le gars s'habitue pas, clairement, il n'y a pas de. Ça serait dommage, tu sais, de se tromper. De briser le beat un peu, puis tout ça, ça serait plat. Ah, il y a de la musique qui joue. Ah, c'est prévu. Ah, OK. C'est maintenant. Devil Kiss Me Hot de Sweet Jane and Claire de l'album Sticky Caramel Mind. Vous êtes toujours à Master Steph. Et on parle de biscuits pommes caramel. On les a faits. Maintenant, il reste juste à les manger. Là, je dis, oh, c'est qui la personne qui parle pas? C'est ça. Hein? Il reste juste à les manger. Et là, ça t'inclut toi. Ça, je suis capable de faire ça. Parce que je veux quand même que tu goûtes avec moi. Il n'y a aucun plaisir à faire de la nourriture et à la manger seule. Non, je pensais que c'était ça l'objectif, non? Non, moi, ce qui me plaît, c'est de faire à manger et de nourrir les gens que j'aime. Une vraie femme de ménage. Une ménagère. T'en fais partie. Je choisis de te faire un compliment, là. Merci, puis, mange de la boîte. T'es super fine. Mais non, mange pas de la boîte. Tu vas manger un biscuit pomme caramel. On dirait une certaine boîte, mais qui a l'air appétissante quand même. Comment ça, de la boîte? Non, mais parce que c'est crémeux sur le dessus. Ça a une texture boiteuse et non pas une texture, si on veut... C'est du sucre à crème! C'est ça qui est le fun, du sucre à crème! Je savais pas, c'était comme pas prévu! C'est des biscuits mous, hein? Oui, c'est des galettes, en fait. C'est plus ça. Mais c'est des... Moi, j'ai traduit, là, c'est cookies. Là. Cookies? Mais c'est des espèces de galettes, pommes, caramel, sucre à crème, pacane. En tout cas... C'est super loin de moi, ça sent déjà vraiment fort. Ça sent bon, oui, hein? Oui, ça sent vraiment bon. On goûte-tu à ça? On goûte à deux. Parfait. Un, deux. OK, non, wow. C'est, ouais, ça dépasse toutes mes attentes. C'est pas mauvais, hein? C'est même, je dirais mieux, parfait. C'est crémeux à souhait, c'est moelleux à souhait. Je te disais que les bains de pop caramel chez Tim Hortons, c'est mes préférés. S'ils faisaient des biscuits comme ça, ça deviendrait mon nouveau préféré. T'sais. Oh, c'est donc bien gentil. C'est vrai. Ça me touche. Ben, c'est plaisir. Et bon, maudit. Ouais, c'est bon, c'est crémeux. Dis-moi, Mathieu, est-ce que je torche les muffins plus de Leclerc qu'on a goûté ben oui. hier, citrouille vanille? Ben oui. Hey, c'est même pas dans la même liste. Si je faisais un son foutu palmarès là-dessus, là, l'autre, il serait même pas. Hein? Ça serait une liste de 1. Ouais, ça serait ça. Avec autre place à déterminer et à remplir plus tard. C'est bon, faut que j'arrête de le manger parce qu'il faut parler, mais moi, ben oui. Je suis pas capable d'arrêter. Ben, je suis comme poussé le mettre. une bouchée. Ah ouais, une bouchée. Bon. Hey, on a-tu le temps pour mes trucs et astuces? Ben oui, vas-y. On clenche ça, hein? Non, prends le temps qu'il faut. Il y a personne après nous. Ah, bon. Fait qu'on va pouvoir manger plus en onde parce que c'est vraiment bon. Ah, hey, j'arrive pas à croire que j'ai fait un beau glaçage sucre à crème de main. Pour vrai, essayez ça, ce glaçage-là. Si vous aimez le sucre à crème, je suis sûre que même si tu mets ça dans un carré, tu le fais figer, là, ça va donner du sucre à crème, mais avec un petit goût de pomme dedans. Mets ça dans un c'est bol. C'est vraiment bon. Et tu le manges à cuillère, comme ils vendent dans les épiceries, des petits sucres à crème en bol. Oh, si. Mais ça, c'est de la crème glacée, man. Oui. Donc, truc et astuce. Ta-da-da-da-da-da. Parfait, truc et astuce. Mathieu, sais-tu comment nettoyer facilement une poêle brûlée? Pas en tout. Ben, t'en achètes, t'en achètes une neuve, c'est ça? Ben, c'est pas super écologique ni économique. Une méthode simple, rapide et efficace, nettoyer une poêle brûlée. Tu vas saupoudrer un peu de bicarbonate de soude dans ta poêle, tu verses de l'eau dedans, tu portes à ébullition et ça va décoller. C'est bien trop simple pour moi. Voilà. Hein? C'est trop simple pour toi, ça veut dire que c'est vraiment simple. Je vais le faire parce que j'ai en effet ça dans une poêle que je dois donc jeter et acheter une neuve et je vais faire ce conseil-là. Essaye ça, ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, pour récupérer encore plus de jus de citron. Regarde là, par exemple, dans cette recette-là, on avait besoin de jus de citron. Si vous n'êtes pas friand des jus en bouteille de plastique, parce qu'il n'y a pas juste du jus de citron, il y a autre chose d'ajouter là-dedans. Si vous voulez avoir plus de jus de citron de votre citron, chose bonne à savoir, un citron chauffé au four à micro-ondes pendant 15 secondes va donner ensuite deux fois plus de jus. Deux fois? Deux fois plus de jus. Donc, ça vaut la peine d'avoir un citron un peu plus chaud. Et ça, c'est comme ça détend les fibres du citron. Ouais. C'est comme si c'était dans un spa. Puis, c'est ça. Ensuite, savais-tu que tu peux utiliser de la soie dentaire pour trancher du fromage de chèvre, du beurre ou de la pâte à biscuits? Tout ce qui est mou, dans le fond. Oui, et tout ce qui se tranche mal, parce que c'est... Par exemple, un couteau là, ça va coller, tout ça. Donc, par exemple, assure-toi d'utiliser de la soie dentaire non parfumée. Ben oui. À moins que tu veux juste te faire... Ça m'écoute la menthe un peu. Ouais. Mais écoute, c'est vraiment parfait parce que c'est très, très mince et ça va juste trancher notre élément mou. Oui, dans CSI, on peut pas fait un épisode où quelqu'un tranchait la gorge de quelqu'un. Non, sûrement pas. La soie dentaire? Ouais. Euh, je... Dans Austin Powers, ils se servent de la soie dentaire comme fil pour sortir d'un... Ah oui! Pour traverser une espèce de je pense que c'est de l'eau avec des requins supersoniques. Je pense que c'était l'intrigue d'une saison complète de Six pieds dentaires. Non, ça c'était Six pieds sous terre. C'est une gag de Six pieds dentaires. Servez-vous de raisins congelés pour refroidir un verre de vin sans pour autant le diluer. On dit que c'est fait avec du vin, ça. C'est fait avec du raisin, en plus. Ben oui! Ouais. Sinon, le truc que Gordon Ramsay m'a donné, personnellement. Gord. Donc, dans un seau à glace, OK, tu vas ajouter une bonne quantité de sel à l'eau et la glace, bien entendu. Tu vas ajouter une bonne quantité de sel. Et ça va faire baisser rapidement la température de l'eau. Et votre bouteille de vin devrait être froide en 6 minutes, top chrono. Oh, wow! Ça, c'est cool, parce que donc, c'est plus rapide qu'au frigo même. Et finalement... si tu veux faire du babeurre maison, donc c'est une recette qui demande du babeurre, mais t'en as pas. Donc tu peux le faire toi-même en mélangeant une cuillère à soupe de jus de citron ou une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans une tasse de lait. Et tu laisses reposer sur le comptoir une dizaine de minutes avant de verser dans la préparation. Et voilà! Wow! Pas besoin d'acheter de babeurre pour seulement une recette. Super cool! Moi, je trouve qu'il devrait partir un réseau social pour les gens qui aiment la cuisine puis appellerait ça babeurre, ça serait inspiré de Twitter. Tu comprends-tu le principe? Ah, moi, babeurre, ça me fait plus penser. Tu l'éléphant à babeurre? Comment? Babeurre, l'éléphant. L'éléphant, excuse-moi, ouais, t'as peut-être raison, ouais. Babeurre. Ben ouais, le conte pour enfants. Oui, ouais. Babeurre. C'est tout pour Master Steph. C'est tout pour aujourd'hui, puis on s'en va se délecter de ces galettes-là. Et si vous en voulez, passez au studio maintenant, j'en ai d'autres à vous offrir. Vous avez 3 secondes avant que ça disparaisse pour toujours. À peu près, ouais, oui. C'est une galette par seconde. On fait Master Steph les mercredis à 9h en fin d'émission. Nous, ça va être la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Oh déjà! Non. Il nous reste des galettes! Mais il nous reste des galettes! On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Demain, on sera jeudi. On a Justine Renaud et sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. On aura aussi notre ami Laurent Constantin qui va être de retour avec sa chronique Déchiffrons le campus. C'est le plan de demain. Oui. Et je voudrais dire avant de quitter, si je sais que tu as un Lee Queen, la seule raison derrière ça, c'est que je voulais te donner mon ancienne base de lit. Voilà, ça explique tout. Parce que j'avoue que je ne l'ai pas trouvé louche sur le moment, mais en effet, quand tu m'as dit que tu as un Lee Queen, c'est bizarre comme commentaire. Ben, les gens à l'extérieur, qui peut-être nous connaissent moins personnellement, ouais, pourraient trouver ça étrange. Ouais. Mais il n'y a rien d'étrange du tout. Ben non. On est tout à fait normal. Normaux. Restez sur nos ondes tout à l'heure. Il y aura le dîner de con avec Danny Janvier, bien sûr, à 11h. Ensuite, à 14h. Non, à 13h. C'est la première de la nouvelle saison de Connaître Ensemble. Oh! Oui. À 14h, je vais être de retour avec Jean-Philippe Charbonneau pour l'émission Les Palmarès, c'est fou. Ensuite, à 17h, c'est Palmarès du monde. À 18h, Automatique, la nouvelle émission de musique électronique. À 19h, Les Audacieuses avec des découvertes musicales. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balados-diffusions. On se quitte là-dessus, puis on se voit demain, OK? Demain. Certain. À demain, Steph. À demain, Mathieu. Ouais, on a oublié de remercier Pierre-Paul Aveline et Normand Séguin. Oui, merci. Bye.